Mehdi est missionné sur le dossier, peut-on en conclure un grand prix? Oh, chien. Dans le derche. Le frites de chez Burger King. Je viens roter, je crois. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. J'espère que ça va tout aussi bien que nous. Alors, désolé pour ce petit retard indépendant de notre volonté, mais peut-être que dans l'émission, vous arriverez à comprendre l'origine du retard. Voilà, peut-être que soudainement, on découvrira pourquoi nous étions en retard, mais voilà, pas d'inquiétude là-dessus, ne vous en faites pas. Merci à YouTube pour l'abonnement et Prime, c'est extrêmement gentil. Désolé de ne pas avoir été là la semaine dernière, mais ça veut dire qu'on a plein de choses à faire. Oh bordel, la ligne du bas, c'est pire en pire, nous dit-on. Écoutez, Gazou, je vais d'ailleurs, Axel, je me permets de sauter directement à la case du bas, parce qu'on n'est pas à l'abri que soudainement il nous réponde 25 secondes plus tard. Donc bonsoir Gazou, comment ça va le bonsoir Cantal? Bonsoir tout le monde, ça va bien. Oh, voilà, profitez-en. Il a répondu même en avance. Profitez-en parce que franchement, j'ai failli lancer l'émission avec le bug comme il était et qu'on puisse dire qu'il était au Japon. Vraiment, oui. C'était merveilleux. Il était à Mayotte, à 17h de nous, rendez-vous compte. Oui, oui, oui. Ah, ça va, je suis tétanisé maintenant à chaque fois qu'on lui adresse la parole. J'ai peur que ce soit moi. Oui, oui, tout à fait. J'ai vraiment peur de ça, c'est absolument terrible. Comment va le A ce soir aussi? Bonsoir à tous, le A va très bien. C'est vrai que ce soir, Gazou, c'est notre envoyé spécial. En fait, il a changé de pièce. Là, il est dans un bungalow à Austin, c'est pour ça. Le contexte, Dany a raison, c'est Paddock outside. Non, mais je veux bien que tu aies une grande propriété au Cantal, mais enfin, quand même, hein, que le fait d'avoir changé de pièce, visiblement, enfin, changé de siècle aussi, parce que vous m'excuserez, mais... Bon, alors la fenêtre, on voit qu'elle est là depuis 1982. Elle était blanche à l'époque, hein, l'encadrement de fenêtre. Mais d'après ce qu'on a pu voir, le devis a été validé donc, pour les fenêtres. Non, je suis redescendu dans le sud, là, chez mes beaux-parents. Ah là là là là, il est en train de casser le mythe, évidemment. Et là, t'as quand même 80% des gens qui se sont dit oh, « Enfin, le Cantal, c'est dans le sud, arrêtez, moi j'habite dans le nord, le vrai. » Pardon, mais pour un sudiste, le nord commence... au-dessus de Montélimar. Voilà. Oui, c'est à peu près l'idée. Arnaud qui s'est abonné, merci beaucoup, qui nous dit Gazou, c'est le doc ou Marty, les deux. Les deux. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est très très fort, c'est le doc qui a mangé Marty. Oh, c'est dramatique hein, ce qui est en train de se passer. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Voilà, on se jeudi soir, écoutez, on va parler de moto, on va parler de Formule 1. Ah, je sais, ne cachez pas votre voix, hein, vraiment, je sais, vous avez tous adoré ça. On va parler de NASCAR, on va parler d'IMSA, on va parler de plein de belles petites choses qui se sont passées ce week-end. Et rassurez-vous, évidemment, le Grand Prix du Brésil en prendra pour son grade, parce que bon, la course était sympa, mais elle a fait un quart de moins. Donc c'était assez compliqué. On dit techniquement, le Cantal, c'est à la hauteur de Montélimar, Gazou. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il est redescendu dans le sud. Oui, parce que... C'est peut-être sur le même méridien, mais pas dans le même siècle, il faut être précis. Pardon. Ça oui, ça je te garantis, oui, effectivement, c'est absolument pas la même chose. Hein. Pour un Marseillais, le nord commence dès Avignon. Oui, bon, mais là, à un moment donné, vous faites exprès. Hein, ça devient là-bas, dans le Cantal, la Renault 5, elle cartonne. Mais la première... Oui, qui vient de... Oui, bien sûr, ils viennent de... Bah, il fallait des gens voulaient remplacer leur Citroën DS, donc ils se sont dit, voilà, on va quand même passer maintenant à la suite, et c'était très bien, justement. Gazou a-t-il été élu maire au Cantal? J'aime bien, parce que là, c'est même plus, il n'y a même plus le manque de respect le plus total. C'est-à-dire que maintenant, le Cantal, c'est un village pour nous. C'est... Oui, c'est une bourgade, hein, tout simplement. Est-ce qu'il a été élu maire du Cantal, Gazou? Alors, hein, qu'est-ce que... Ici je ne l'ai pas présenté, mais c'est une idée. L'idée fait son chemin. Est-ce que les chefs ont voté pour lui? Ah, bah oui, bah écoutez, ma bonne dame. Hein, je salue. J'ai vu que dans les élections cette semaine, il y a un village où les deux listes ont eu le même nombre de voix. Oui, j'ai vu. C'est le plus vieux qui a été élu. Ah ouais? Non, c'est la moyenne d'âge la plus élevée de toute la liste. C'est abominable comme manière de faire. Alors, c'était une triangulaire et ils se sont démerdés, les deux premiers, à faire 682 voix. Exceptionnel. Excusez-moi, mais je pense que c'était Gazou qui était dans la liste perdante, hein, parce que là, pour avoir toutes les statistiques à ce point, c'est absolument terrible. Attends, la troisième liste a fait 17 voix. C'est pas mal, écoute, c'est pas mal. Après, vous en faites pas, il y a pire. J'ai vu qu'il y a un maire qui a été réélu et qui est décédé le lendemain. Oui, et il y a cet excellent tweet qui est passé. Ah oui, champagne le soir et bière le matin, c'est ça ? Non ? Il a dit deux fois dans l'urne en deux jours, chapeau. Oh, elle est horrible. Elle est horrible. Non, mais après, il venait d'être réélu. J'aime bien parce que t'as dit qu'il n'avait pas été choqué quand on a appris qu'il était réélu pour la 11e fois. Je rappelle que quand t'es élu maire, t'es élu pour 6 ans. Donc se faire réélu 11 fois, faut y aller quand même. Hein. Moi, je veux bien, mais c'est. Voilà. Parce que, par exemple, t'as des gens qui ont été députés deux fois la même année. Bon, ça va, c'était pas... Avec le jeu et dissolution, c'est facile. Mais les maires, ça, c'est pas facile. Donc, chapeau. L'artiste, alors, niveau quoi paumé, il y a pire que le Cantal, ça s'appelle la Lozère, niveau U0. Oui, ça se vaut, hein, globalement, tout ça, voilà, c'est des endroits... Il y a de l'eau chaude dans la Lozère. Voilà, tout ça, c'est des endroits où... tout ça, c'est des endroits où le Minitel a cartonné. Il cartonne toujours, d'ailleurs, hein, c'est évidemment la base. C'est vrai, même j'ai... Bon, celle-là, je vais la... Bon. Oui. On peut pas la dire à voix haute, mais c'est voilà, vrai. On a eu... qui a été élu face à Zelensky à Arcis-sur-Aube, tout à fait... Et il y en a un autre, je le garde pour plus tard, c'est mon craquito. Bah, alors, c'est pour ça que tu l'as pas écrit. C'est ça, il l'a même pas écrit dans notre conducteur, on sait même pas de qui il parle. Ouais. On a le conducteur, j'ai dit, à chaque fois, il remplit les merdolino en premier, et les craquitos, on sait jamais. Ouais. Ah ben, je vais le dire maintenant, parce que c'est hors sujet, hors... Non, mais rendez-vous compte, quand même, le meilleur maire de France, à Agen, c'est Bruno qui a été élu. C'est vrai que Bruno a été élu à Agen. C'est vrai qu'on a Bruno d'Agen, et ça, c'est quand même fabuleux. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on fait rarement aussi bien. Rassurez-vous, vous en faites pas, je recadre juste tout le chat, hein, voilà, ma petite passion du jeudi soir, mais c'est vrai que oui, Bruno d'Agen, c'est quand même très fort, je reconnais. Mais c'est merveilleux, j'espère qu'il a fait campagne là-dessus quand même. Ah mais je pense que sur sa, sur ses, comment on appelle ça, sur sa profession de foi, comment on appelle ça, oui. Sur son programme, je pense qu'il voulait lutter contre le trafic en centre-ville. Mauvais trafic. Hein ? Mauvais transit, pardon. Transit. Ça reste une voiture. Hein. Oui. Allez ! Oui, mais les bon. News, sans plus tarder. Ah oh là, Arnaud qui dit, il fait évidemment chier. Bah ça oui, quand le maire prendra pas de bonne décision, il fait chier celui-là. Oui, c'est Bruno d'Agen. Avec moi, le transit sera régulé. Voilà. S'il pouvait aller en fin de transit à la mairie, ce serait quand même vachement bien. Oh putain, ce serait autre chose qu'aller évidemment à Vélib. Hein, moi, j'ai... Vous savez, moi, ça m'a touché. Sachez que ça m'a touché. Voilà, en tant qu'utilisateur régulier du Vélib, voir quelqu'un arriver à une borne, voir que le parc est plein, la station est remplie, il va à la borne, il met sa carte, le Vélib est directement débloqué, il a un guidon, il a une selle, il a deux pneus. Il a un peu vécu le rêve, Emmanuel Grégoire. Vous savez, c'est voilà, c'est genre de choses où quand ça t'arrive, tu... Ah, tu peux jouer au loto. Ah là, tu joues au loto, t'es sûr de gagner. Là, non, c'est absolument merveilleux. Hein, ça, je... Quand je... Alors, quand je dis il a une selle, j'ai le Vélib avec la selle qui peut pas se maintenir, je l'ai eu. Hein. C'est très drôle quand tu t'assieds que ça fait... Pouf, ah bah non, je vais m'arrêter là. Hein, merci pour tout. C'est Fontan Grégoire qui est le maire de Paris, tout à fait. Et il entamera chaque... Conseil de Paris en chantant Don't Look Back in Anger de Oasis et ce sera fabuleux, voilà, hein, ce sera très bien comme toujours. Allez, commençons mesdames, messieurs, commençons sur les résultats du week-end. Attends, je vois quel enruquier, pourquoi l'insulte? Bon, s'il vous plaît, mais on rappelle que Laurent Ruquier a effectivement présenté une émission qui s'appelait Les News sur TF1 qui a duré 5 jours. Ah, ah oui, non, c'était merveilleux, hein, c'est que je pense qu'il n'est même pas arrivé au vendredi. Ce qui est fort, hein, ce qui est une performance en elle-même. Allez, parlons de ce qui s'est passé ce week-end, mesdames, messieurs, c'est parti. Montoya, un seul arrêt. 12. Il y avait donc du MotoGP ce week-end, bah oui, parce que bon, hein, c'était que la deuxième course de la saison. Hein, il commence doucement. Nos habits du MotoGP, le Grand Prix du Brésil, premier Grand Prix du Brésil depuis 2004. Et vu ce qu'on a vu à Goiânia ce week-end, eh ben, on comprend. On sait pourquoi. On a compris l'idée. parce que ce fut compliqué. Alors, moi, je dis chapeau pour toute la samba sur la grille avant le départ. C'était fabuleux. Moi, j'ai adoré. Ils ont été très malins, très filous au niveau du MotoGP. Ils ont fait la danse, machin. Il y avait des danseurs de samba, tout ça. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de faire papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap, soudainement, ils envoient un petit message disant au fait, la course, ça fera 8 tours de moins, mais samba, c'était assez formidable. Ah, le Copixo qui nous dit bonsoir, messieurs, tant qu'on est sur les mers. Vous avez vu celui qui est mort le lendemain de sa 11e élection? Oui! On en a parlé, mesdames, messieurs. Ah oui, faut être... le Racing Café, il faut être là dès le début. Hein. Oui, le Valcarnière 2004, c'est le Grand Prix, enfin, Grand Prix de Rio. Non, c'était le Grand Prix du Brésil à Rio. Ou peut-être qu'ils appelaient ça Grand Prix. Enfin bref, voilà. C'était au Brésil, c'est la première fois depuis 2004. C'était pas au même endroit, certes. Mais bon, on a quand même mis du temps à y retourner. Marco Bezzecchi s'est encore imposé. Ça fait maintenant 4 victoires en Grand Prix de suite pour Bezzecchi avec les 2 de la dernière saison. Et les 2 de la première. Enfin, les 2 dernières de la saison dernière et les 2 premières de cette année. Faut suivre, hein. C'est pas facile, c'est pas très simple. Mais Bezzecchi qui s'impose devant Jorge Martin et devant Fabio Di Giovantonio, alors que Axel est en train de faire un AVC dans nos craquitos, on vous le dira tout à l'heure, mais là il vient d'écrire une suite de lettres qui ne se lisent pas, hein, globalement. C'est fabuleux ce qui est en train de se faire là. Adjum qui dit Goyana a un contraint de combien d'années avec la FOM? Alors c'est pas la FOM, attendez, là, s'il vous plaît, la FOM c'est Formula One Management. Qui d'ailleurs s'appelle Formula One Group maintenant, c'est la FOG. C'est la France d'Olivier Gisbert maintenant, c'est pas, ça a changé. Guyana, je crois qu'ils sont. Ils sont allés jusqu'en 2030. Parce que c'est bien, ça leur laisse le temps tranquillement de préparer le circuit finalement. Ce serait pas mal. Bon, avant de parler des fous qui fâchent, et dont on parlera tout à l'heure, ne vous en faites pas. Le A, Marco Bezzecchi, bon, bah, ça devient quand même. Un sacré cador, le garçon, là. Hein, ah oui, honnêtement, sur ce qu'il a vraiment montré ce week-end, c'est vraiment hyper intéressant. Sur son pilotage, l'Aprilia, finalement, elle a l'air vraiment au point. Déjà sur deux tracés qui sont relativement différents, hein, quand même, parce qu'on est passé d'un tracé avec des longues lignes droites avec des virages qui pouvaient être assez serrés, on pense surtout au dernier virage, hein, qui avait, je sais, la Thaïlande, hein, si j'ai pas de bêtises, oui. Le dernier virage qui est très serré, on a des courbes assez serrées. Là, on était sur un circuit très court. Je crois que c'est une 15 hein, ou une 16 les chronos. Ouais, c'est le circuit le plus court de l'année en plus. Ouais, donc vraiment très très court. Donc oui, en plus le fait d'avoir réduit le temps de course, je crois qu'elle a fait 30 minutes hein, tout pile la course. Ouais. Je dis pas de bêtises, ils ont couru ouais, 30 minutes et 19 secondes. Voilà. Donc c'était une grande course sprint. Mais ça a suffi largement pour faire des écarts, hein, au vu de la dégradation de la piste, comment elle était détruite. Et c'est vrai que ça, à la télé, on l'a vraiment pas vu, hein, l'état du macadam. Hein. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont plaints d'avoir eu des énormes projections de goudron sur eux. Ça les a vraiment marqués. Et comme disait Alex Marquez, hein, là c'est du motocross. Concrètement, ils ont vécu, oui, une séance de motocross là, avec le goudron qui se détache. Mais bon, ouais, Bezzecchi vraiment très solide, très fort. Hein. Deux courses, que ce soit celle de Thaïlande ou là celle du Brésil, où il part devant tout seul, il gère. Là, il finit à 3 secondes de Martin. Martin qui fait une très belle course aussi, hein, qui est bien remonté, qui a doublé DJI et Marquez au bon moment quand les deux étaient en train de se chamailler pour la deuxième place, pardon. Donc ouais, carton plein des Aprilia, Ayogura qui remonte super bien aussi, hein, qui était parti beaucoup plus loin sur la grille de départ et qui est très bien remonté. Donc c'est vraiment ce package-là complet. Les 4 Aprilia sont performantes. Il n'y a pas qu'un pilote qui surperforme, je trouve. Je pense que Bezzecchi est le plus à l'aise parce que concrètement, c'est lui qui l'a développé l'année dernière, vu que Martin était blessé toute la saison. Donc c'est lui qui connaît la moto le mieux parce qu'ils sont aidés de, je pense, peut-être un peu de son pilotage, mais ils ont tout de même réussi à faire une moto très homogène parce que Bezzecchi et Martin sont deux pilotes très différents quand même. Martin, il est tout petit. Ogura, il est tout petit aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils ont vraiment réussi à faire une moto polyvalente pour les 4 pilotes. Je pense que ça peut donner des regrets à certains pilotes de ne pas avoir signé un contrat à Aprilia il y a quelques temps. Hein. Après, voilà, comme on avait dit en Thaïlande, c'est la première course. Aprilia sont très forts en Thaïlande, on l'avait déjà vu l'an dernier. Là, sur un circuit inconnu, ils ont répondu présent avec des conditions extrêmes, très chaudes. L'Aprilia arrive très bien à tenir ses pneus. L'Aprilia, c'est la McLaren de l'an dernier. Elle tient super bien ses pneus, il n'y a pas de souci. Les pneus, ils sont nickel. Ils ne se dégradent pas parce qu'en plus, sur la course, je crois que pour tenir les pneus, ils devaient rouler en 1.19 pour être sûr que les pneus tiennent les 23 tours. Et les deux Aprilia ont tourné en 1.18 tout le long. Alors que normalement, ils avaient estimé que si tu tournais en 1.18, tu ne pouvais pas finir la course, au vu de la dégradation des pneus. Ah oui. L'Aprilia sait tenir ses pneus, et je pense que c'est vraiment la force, cette saison de l'Aprilia, c'est qu'elle sait vraiment très bien tenir ses pneus. Parce que sur un tour chrono, c'est assez serré, parce que ce n'est pas forcément une Aprilia qui chope la pole. Parce que Bezzecchi par deux, je crois. Par combien, oui, et c'est déjà un miracle. Dijon Antonio en pole, Bezzecchi 2, après Marquez, Quarta, Martin 5, Ogura, il était 6 sur la grille. Donc en fait, c'est sur un tour chrono, elles sont à armes égales entre Aprilia et Ducati. Mais sur la gestion de course et je pense sur cette gestion de pneus, l'Aprilia est vraiment supérieure cette année. Ouais, et puis alors, Bezzecchi, il est 20e lors des essais vendredi déjà. Hein, donc, alors qu'il était évidemment avec des conditions un peu différentes. Mais... Oui, après, il pleuvait beaucoup. Voilà, mais il avait dit quand même qu'il galérait à fond. Il avait beaucoup de difficultés. Yoler a raison. Il dit le circuit en lui-même, j'ai bien aimé. Il faut juste qu'il règle les soucis de dégradation de piste. Moi, j'aime bien le circuit en soi. Il est sympa. Le circuit est sympa, oui. Ça tourne un peu, mais c'est un peu un Saxon Ring, mais où ils l'ont un petit peu élargi, on va dire, à certains moments. Parce que Saxon Ring, toute la partie où vraiment ça ne fait que tourner, bon, voilà, pas le meilleur moment, clairement, pour avoir des dépassements. Là, c'est un peu. C'est un circuit qui est. Ce qui est sympa, ça fait gros circuit de karting, c'est très sympa. C'est ça, ouais, c'est plutôt cool. Maintenant, effectivement, il y a tous ces problèmes de dégradation. En fait, alors, le truc, c'est qu'on a revu les images après, on le voyait pendant le Moto 2 que ça se dégradait. Mais on n'y a pas voulu y croire, on s'est dit non mais ça va, ils vont réussir à faire quelque chose de correct. Bah, en fait Marquez c'est là-dessus qu'il se loupe, il est sorti au large sur des, non pas des boules de gomme mais des boules de circuit cette fois-ci, et puis il a perdu la moto, ça a fait que DJ et Martin sont passés, donc c'était assez compliqué de ce point de vue-là. Bezzecchi et Martin qui font un doublé Aprilia. Alors Aprilia du coup ils sont aux deux premières places du championnat pilote, ils sont aux deux premières places du championnat écurie, ils sont en tête du championnat constructeur, et ils sont en train de nous faire une razzia totale, mais ils restent assez humble, ils se disent non mais voilà, vous savez, on est là, pour l'instant c'est bien, il reste 20 courses, enfin 20 Grands Prix, voilà, on y va tranquille, on prend pas de risques, on s'inquiète pas trop, mais non, j'aime bien ce qu'ils font chez Aprilia. Et toi Gazou, c'est cette analyse peut-être sur le Grand Prix du Plagio. Ouais, non, effectivement je suis d'accord avec vous, super circuit, malgré les petits gros couacs qu'il y a eu, effectivement, je crois que Toprak avait des gros cailloux dans sa botte, il me semble, je crois que on a vu ça sur les réseaux passés. Je vais être ravi de vous apprendre que le micro de Gazou a l'air de faire un peu n'importe quoi. Je l'entends un petit peu par intermittence. Mais voilà, vous en faites pas. Ah, mince, je me rapproche peut-être. Le gain, c'est mieux ? Ben, je sais pas, c'est sur la longueur que ça me bugait. Ah oui, ok. Donc je disais, ouais, effectivement, week-end parfait des Aprilia, forcément. Et je crois que Hachum disait dans le chat... ouais. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'ils ont la meilleure moto ? Il faudra attendre encore deux profils de circuits différents pour voir comment elles se comportent. Parce que c'est vrai que là, le début de saison est un petit peu atypique. Mais c'est clair qu'au vu de comment Bezzecchi a terminé la saison et au vu de comment il la commence, ouais, c'est sympa à voir parce que ça nous donne un petit peu des vibes de l'ère à effet de sol de la F1. Où peut-être on avait une Red Bull dominante au début, puis une McLaren. Et là, effectivement, le fait qu'Aprilia prenne un petit peu le pas sur les Ducati, ben, ça va peut-être donner une première moitié de saison intéressante, en attendant peut-être que Marc Marquez revienne aux affaires, effectivement. Ogura, deux très beaux week-ends jusqu'à présent. Mmh. Il nous a fait deux courses bien placées. Là. La progression est quand même intéressante. Ce qui est très fort, surtout avec Ogura, c'est quand tu l'écoutes, parce que franchement, écoutez-le après les courses. Hein. C'est droupi. C'est merveilleux. Je voyais. Ouais, bah, la course était difficile. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Je suis à putain, t'es cinquième, gars. Arrête, calme-toi. Mais on sait bien, ça veut dire qu'il en veut plus. Ouais, et qu'il a la moto pour gagner. C'est ça. Mais derrière, enfin, oui, t'as la moto pour gagner, mais devant toi, t'as quand même Bezzecchi, Martin Marquez. C'est ça. Et DJ, parce que DJ, quand même, podium. Hein. Ouais. Podium, le week-end dernier, il était pas mal, je crois. Enfin, il avait fait une bonne fin de saison aussi. Et quand tu compares à, par rapport à Morbidelli, oui, là, il y a une sacrée différence. Après, la question que je me posais, j'étais moins assidu sur les débuts de saison. Est-ce qu'ils ont tous les deux la même ou pas ? Chez Aprilia ou chez Ducati ? Non, chez Ducati, chez la VR46. C'est une bonne... Ils ont une officielle ou les deux ? Je sais plus du tout. Je crois qu'ils ont les deux officiels. Mais je crois qu'ils sont passés à deux officiels plus ouais. Alex Marquez. Donc tu as cinq officiels. Fermi a encore celle de l'an dernier, il me semble. Mais je crois bien que la VR46, en tout cas DJI, il a eu celle de cette année normalement. Et il est premier pilote Ducati au championnat. Ouais. Mine de rien. Bon, après quatre courses, deux grands prix, mais bon. C'est déjà pas mal. Quand tu vois que Marquez n'a pas encore fait de podium, à part la victoire en sprint au Grand Prix du Brésil, mais à part ça, voilà, c'était assez compliqué. Alors on dit Pecco, quelle que soit sa machine, il galère. Bah, là, il a galéré, mais la chute fait que, évidemment, ça fait un week-end dramatique, mais il était dans le top 10 encore quand il tombe. Donc au moins, bon, c'est triste de dire que ça va mieux quand il joue juste des top 10, mais bon. Il part d'extrêmement bas quand même. Ben, je pense que la Ducati a l'air assez compliquée. Enfin, c'est dur de dire assez compliqué parce que là, on se retrouve avec le même cas Ducati tous les ans. C'est-à-dire qu'ils font une moto et si elle convient à un pilote, il va faire des merveilles avec. Et si elle ne lui convient pas, ça va être catastrophique pour lui. Il va vivre une saison vraiment calamiteuse. On voit l'exemple hein, entre DJ et Morbidelli, concrètement. La moto à DJ, elle a l'air de très bien lui aller. Ça a l'air un peu plus compliqué pour Marquez tout de même. Et pour Pecco, ça va. Enfin, franchement, ça va pas du tout. Donc, est-ce que là, on arrive à un niveau où tu as une énorme différence quand tu es niveau A ou niveau C sur le terme des concessions de développement, parce que Honda n'est pas si mal que ça. Hein. Parce que bon, bien, Mir, il nous fait encore des chutes parce que je pense qu'il surpilote parce qu'il veut bien faire. Mais Mir, depuis le début de la saison, il est très intéressant et Zarco aussi est très intéressant. Ah, mais Mir, là, il est tombé. Honda est sur la bonne voie. Hein. Mir, il a chuté sur 12 grands prix l'an dernier quand même. Hein. ça l'an dernier, elle était compliquée. Mais cette année, on voit qu'il y a quand même du mieux chez Honda. Mais oui, après, Mir chute beaucoup. De toute façon, il a fait deux grands prix, deux chutes. Hein. Il a 0 points. S'il a 3 points, parce qu'il a 3 points de sprint. Sinon, il a zéro pointé en course. Hein. Attends, il a 3 points de sprint en Thaïlande sur le premier Grand Prix de la saison. Et après, sinon, c'est que dalle. Hein. Bah, c'est ça. Et le problème, c'est que là, même Marini n'arrive plus. Vas-y, Gazou. Oui, non, juste pour revenir deux secondes sur Pecco, le petit problème qu'il a aussi, pardon, mais admettons qu'il donne son avis chez Ducati, qui va l'écouter ? Ah bah là... Ces ingénieurs à lui vont l'écouter, mais il n'y aura sans doute pas de gros... À part faire des settings de suspension, je ne vois pas ce qu'il pourrait lui faire de changement majeur. Ça, bon, là, en plus, on arrive sur une fin de réglementation technique, donc il ne va pas peser lourd si jamais il faut modifier quelque chose sur la moto. C'est forcément Marquez qu'on va écouter. Mais bon, là, il est arrivé au bout du parcours chez Ducati, hein, je veux dire... Il faut qu'il souffre en silence pour 2026 et qu'il trouve ailleurs pour 2027. Hein. Ouais, ça va être carrément compliqué, ça, cette affaire. On me demandait aussi, est-ce que Martin va vraiment partir ? Oui, bah, globalement, malheureusement, le truc avec Martin... Enfin, après, ouais. Est-ce que Martin a déjà signé ? Ça reste Martin. Hein. Voilà, en fait, est-ce que Martin a déjà signé chez Yamaha ou pas ? Ça, c'est la question principale. Parce que le truc, c'est qu'avant le début de la Thaïlande, ça faisait que parler. Depuis le début du Grand Prix de Thaïlande, là, on n'entend plus rien. Oui, je rappelle qu'avant la Thaïlande, Bagnaia a dit « Rassurez-vous, j'ai pris ma décision et je vous la communiquerai très rapidement. Mm-hmm. » Mm-hmm. Bah, on attend, Pecco, on attend. C'est quand tu veux, nous on est là. Il n'y a pas de souci, tu peux envoyer un petit tweet, quelque chose, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. On peut, voilà. Non, c'est assez compliqué quand même, hein, cette situation sur le marché des transferts. Ça a semblé bouger comme c'était pas permis avant le début. Et puis là tout est figé. Voilà, il n'y a plus rien. Et après, pour parler du niveau de Marquez, de Ducati, etc., je pense que justement, le Grand Prix qui arrive dès ce week-end, à Austin sera un juge de paix décisif, hein. Très, très important, parce que bah, Austin, c'est la terre de Marc Marquez, hein, concrètement. Donc, à voir si là, il arrive, si là, on voit vraiment le niveau de Ducati sur un circuit, on va dire, que tout le monde connaît, ou ça sera des conditions normales, on va dire. Ça ne sera pas des conditions extrêmes comme on a pu le connaître là depuis le début de la saison. Donc, Austin, ça a vraiment un tournant pour moi pour savoir si vraiment Aprilia va rouler sur tout le monde cette saison, ou si c'est juste comme on a pu le voir depuis ces dernières années, où ils arrivent à très bien performer sur un ou deux Grands Prix. Mais après, derrière, ils lorgnaient sur les podiums ou les top 5. Et à voir cette année si la moto est vraiment incroyable et qu'elle va rouler sur tout le monde, ou si elle va juste réussir à gagner plus de Grands Prix, mais que sur le reste de la saison, elle sera peut-être inférieure à Ducati. Oui, c'est ça, sur la saison complète, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, ouais. Ça, certainement pour Aprilia. Fabio Quartararo, 16e, hein, donc on est bien, on est content. Hein, catastrophique, hein. Il part 4, le départ, il est catastrophique et rien du tout. Non, mais il n'est pas catastrophique. Le sprint, il arrive à rester 6, bon, bah voilà, on se dit, c'est pas mal. Et le dimanche, alors, après, moi, je suis tenté, d'un côté, je suis tenté de lui donner raison quand il dit que c'est le pneu arrière, il suffit qu'il soit tombé sur un mauvais jeu et paf, le pneu arrière était juste mal. En plus, il est parti en soft à l'arrière. C'est ça, il part en soft à l'arrière parce qu'au moment où on leur dit, alors ça aussi, la Dorna, enfin la FIM, là, bon, mais ils annoncent aux équipes et à tout le monde que le Grand Prix est raccourci, genre 20 secondes avant que les pilotes doivent rentrer leur choix de gomme chez Michelin, donc bon. Ça a été un peu le grand bête qu'on va chez tout le monde. Et il l'a dit, Quartararo, dès qu'il a pris le départ du tour de formation, il savait que son pneu arrière était littéralement mal foutu. Il y avait, voilà, ça arrive, ouais. Des fois, et vous savez, ça arrive de moins en moins. C'est de plus en plus rare, ce genre de choses. Mais parfois, tu tombes effectivement sur des lots un peu défaillants. Maintenant, les autres étaient nulle part, hein, parce que ce soit Rins, Toprak ou Miller. Alors, si, ils sont tous illustrés le vendredi sous la pluie. Super. Bon, ben voilà, c'est cool. Mais moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a une marque qui a réussi à faire vraiment pire que Yamaha, pour moi, c'est KTM. Oui. Parce que KTM, t'enlèves Acosta, ils sont les derniers, mais de loin. Bah, c'était... De toute façon, c'est ce que j'avais dit à la fin du Grand Prix de Thaïlande, c'est que pour moi, KTM, ils nous font une onde avec Marquez des grands jours. C'est qu'ils ont fait une moto pour Acosta pour être sûr de ne pas le perdre, qui ne quitte pas le giron KTM, parce qu'ils n'ont plus de pognon, donc ils ne se reposent que là-dessus. Et ils sacrifient les autres pilotes, parce que c'est ce qu'on disait après le Grand Prix de Thaïlande, c'est que quand on voit le niveau de Vinales sur la fin de saison, et, enfin le niveau des autres pilotes KTM, Binder, je n'ai pas envie de dire qu'il est au niveau parce qu'il tombe tout le temps. La saison dernière a été compliquée et là, il retombe encore sur ce Grand Prix. Mais Bastianini et Vinales étaient largement au niveau en fin de saison dernière et là, ils sont complètement à la rue. Vinales, il n'y arrive pas. Bastianini, il n'y arrive pas du tout, alors que quand il avait Ducati sur la fin de saison, il gagnait des courses. Donc, pour moi, KTM, ils ont juste dit à Costa, qu'est-ce que tu veux comme moto ? On te l'a fait, les autres, c'est pas grave, on fait une année juste pour toi, pour sauver les meubles et avoir du pognon. Je pense qu'ils sont juste basés là-dessus. Mmh. Ah, mais là, c'est à double tranchant, hein, parce que si, comme prévu, il part déjà chez Ducati, ben après, ils vont se taper les années que Honda vient de prendre. À voir. Là, les contrats, c'est vrai que ça avait beaucoup parlé. Je pense que là, tu as des peut-être des écuries qui vont bétonner des contrats, quand même. Je pense quand même. Au début, quand tu vois le début de saison, je vois pas un Martin partir d'Aprilia. Bah oui, veut, c'est ça. Champion du monde. Là, c'est il ça. Dit qu'il se casse en début de saison parce qu'il pensait, il savait pas s'ils allaient être au niveau. Là, ils sont au niveau, voire au-dessus. Franchement, quand tu vois d'où il revient, pourquoi? Pourquoi aller lorgner une Honda, par exemple, alors que tu as une Aprilia? Mais Zeki ne partira jamais de chez Aprilia, je pense. Ah bah lui, il a signé. Très bien là-bas, il est très réglé. Heureux et il ne partira jamais. Oui, il a déjà signé, c'est vrai. Et après, ça va jouer entre quelques pilotes Yam et Honda, mais même Acosta, Acosta pourrait aller chez Ducati officiel, hein, c'est fort possible, à voir comment ils vont péter les contrats. Parce que Di Giantonio... je pense qu'il est très bien chez VR46. Je ne le vois pas bouger. Oui, en Vidéli, à un moment, il faudrait peut-être changer. Ouais, mais ça, malheureusement... Là, quand t'es un giron VR46, c'est dur de te faire virer. Hein. C'est ça. Le seul moyen de se débarrasser de Morbidelli, c'est que Honda vire Marini et que du coup, Valentino Rossi dise ouais, mais bon, Marini, c'est mon demi-frère. Hop. Et il le met à la place de Morbidelli. Sinon, on va toujours l'avoir. Hein. Mais quand tu regardes, parce qu'on nous demande justement, on peut faire un topo sur les transferts, rumeurs au transfert. Oh, les transferts, c'est pas compliqué. Il y a trois pilotes qui ont signé pour l'an prochain. Voilà. C'est ouais. Bezzecchi, Zarco et Moreira. Tout le reste, c'est à pourvoir. Ce qui se disait avant. Parce que là, honnêtement, on vous a fait le topo en janvier, février, max. C'est resté exactement pareil. Il n'y a plus eu une seule nouvelle de nulle part. Marquez n'a toujours pas signé chez Ducati. Ça, je trouve ça quand même complètement fou. Il n'a toujours pas signé un contrat. Mais en même temps, là, il commence la saison et la moto ne lui convient pas. Donc, ça va être compliqué de vouloir re-signer. On a déjà vu des rumeurs avec Marquez Honda. Oui, bah de toute façon, Honda, il a toujours dit... Ça venait de compte espagnol aussi. Non, mais Honda, il a toujours... Mais de toute façon, Marquez a toujours dit que Honda, c'était chez lui. Et que le jour où il peut revenir, il y retourne. Hein, c'est pas. Après, l'avantage, c'est que là, Honda est en position assez forte. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à développer leur moto. La moto devient performante. Et en tête de gondole, tu as Mir Marini, qui sont largement remplaçables par n'importe qui. Donc en fait, Honda, ils ont, pour eux, ils ont la meilleure main. Hein, ils ont le meilleur jeu. Pour récupérer qui veulent et se séparer de la doublette Mir Marini sans aucun problème. Et moi, je crois que les essais des 800 qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là, parce qu'ils ont fait des essais à Jerez avec plusieurs motos, enfin, c'est Honda qui était le premier à avoir mis leur 800 en piste, je crois. Ça aussi, ça peut peut-être jouer, hein, parce que si tu es pilote et que tu commences à avoir des bribes comme ça d'informations sur comment les motos de l'an prochain se comportent, parce qu'il y a quand même changement de réglementation, donc on ne peut pas juste se baser sur ce qui se passe cette année. Mais globalement, donc. Chez Aprilia, Bezzecchi a signé. L'idée, c'était qu'il mette Bagnaia à la place de Martin. À mon avis, Rivola, il fait tout ce qu'il peut pour que ça n'arrive pas quand même. Hein, s'il peut garder finalement Martin, c'est pas mal. Martin, qui devait à la base partir chez Yamaha. Donc autant me dire que là, le garçon, il est peut-être moins motivé. Il va pas y aller. Et là, il a vraiment pas envie d'y aller. Et s'il y en a bien dont on sait que les contrats veulent rien dire avec lui, c'est Martin. Donc s'il a envie de rester, il restera. Chez Yamaha, du coup. Il n'y a plus de Quartararo, hein, très certainement. Mais le problème... Parce que là, vous voyez que pour l'instant, tout se met très bien en place. Hein, c'est qu'on prend Aprilia, y en a un qui remplace un autre, qui va chez Yamaha, qui remplace, allez, on va dire Rins ou Quarta. Le problème, c'est que Quartararo, pour l'instant, s'il part, il va littéralement de nulle part. Ducati, c'est plein. Et je ne le vois pas aller chez Gresini ou chez... Enfin, non. Il a signé chez Yamaha pour l'argent, donc je le vois mal aller dans une équipe satellite. Il n'y a qu'un projet d'envergure, c'est Honda, mais c'est toujours pareil. Quoi. T'as Honda, oui, mais est-ce qu'il irait chez Honda ? Je ne vois pas aller chez KTM. Chez KTM, de toute façon, ils n'ont absolument pas les moyens d'attirer qui que ce soit. KTM... Honda, et quand tu le vois... Enfin, quand tu vois... son attitude, clairement, tu ne sens pas enclin à re-signer chez Yamaha. Non, mais lui, c'est sûr. Ça, Yamaha, Quartararo, c'est fini. Enfin, ça, vraiment, je vous garantis que s'il signe de nouveau chez Yamaha, c'est qu'ils lui ont fourni un contrat à 9 chiffres. C'est pas possible. Enfin, à un moment donné, c'est... Non, mais là, voilà, c'est absolument impossible. Il est complètement dépité de la situation. Il vient de perdre 3 ans de sa carrière. C'est bon, hein, à un moment donné, il va prendre le risque de rester. Après, s'il reste, c'est que vraiment, ils ont aligné les billets. Hein. Et ça m'embêterait vraiment pour lui. Enfin, ça m'embêterait pour lui que la moto soit pas bonne l'an prochain s'il reste. D'un autre côté, je me dis que ça servirait de leçon. Tu vois, donc c'est un peu à double tranchant. Je me dis, si à un moment donné, tu restes toujours et que le projet avance pas. As-tu oublié Costa Marquez, vous y croyez? Mais évidemment qu'on y croit. À un moment donné, Ducati, ils sont dans une situation où actuellement, dans leur équipe officielle, ils ont Marc Marquez. Déjà, ils essaient de le garder. C'est déjà pas gagné, visiblement. Donc, parce que si Marquez part chez Honda, là, il y a tout qui change. Hein. Mais à côté là, tu fais un jeu, on va avoir un jeu de chaise musicale. C'est ça. À côté de Marc Marquez, quand tu es Ducati officiel, tu vas avoir le meilleur pilote possible. Aujourd'hui, c'est vrai que tu me dis, il y a le choix entre Acosta et Quartararo, je prends Acosta. Ça me paraît quand même le plus logique. Ne serait-ce que finalement parce que Acosta montre qu'il sait faire marcher une KTM qui marche pas très bien, alors que Quartararo, il a fait des belles perfs l'an dernier, il a fait 5 pôles, tout ça, mais voilà, il n'enraye pas suffisamment peut-être la chute de Yamaha, même s'il est largement au-dessus de ses équipiers. Ça, il n'y a pas trop de problème. Yoler qui dit, ce qui me fait un peu chier, c'est que pour l'instant, on ne parle que d'échange de place. Il n'y a pas l'air d'avoir de rumeurs pour un rafraîchissement de la grille MotoGP avec des pilotes Moto2, Moto3. Alors oui, mais le problème, c'est que si tu regardes la grille MotoGP actuelle, à part, on va dire, Morbidelli, peut-être Rins quand même, et Mir, est-ce que les autres méritent vraiment de partir, tu vois? Parce que même Luca Marini, moi, le problème c'est que là il faut s'habituer à ces grilles là parce que pour moi la volonté, et c'est ce qu'on peut voir tout de même, c'est que le Moto2 devienne une catégorie un peu à part. Pour certains ça va être un tremplin, pour les autres ça va vraiment être une catégorie à part. Oui, puis après ça faut pas non plus oublier que alors oui, il y avait une époque où tu avais un peu plus de pilotes de Moto2 qui montaient. Mais c'était l'époque où tu avais moins d'usines, donc forcément plus d'équipes satellites qui faisaient un peu avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, encore une fois, si tu regardes le classement, bon, évidemment, les deux pilotes Aprilia, ils mettent totalement leur place sur la grille. Acosta, pareil. Ligia, pareil. Marquez, voilà. Les deux Traca aussi sont excellents. Alex Marquez, oui, il est moins bon en début de saison, là, mais franchement, au Brésil, ça a pas mal marché. Binder, on a beau dire ce qu'on veut, il est clairement pas au niveau d'Acosta, mais... quand il reste sur ses roues, c'est pas non plus la giga catastrophe que ça peut être. Et puis, il a quand même gagné des Grands Prix. Morbidelli, bon, lui, là, ça commence à devenir compliqué. Mais ça fait Miller, depuis... peut-être. Comment, Gazou ? Miller, qui sera en fin de carrière, peut-être. Ouais, mais Miller, il tient la baraque chez Pramac depuis l'an dernier. Tu vois, c'est que moi, il y avait des époques où, oui, chaque année, tu pouvais en citer trois qui devaient vraiment se barrer. Voilà, où tu dis, mais les mecs n'ont plus rien à faire en MotoGP. Aujourd'hui, déjà, c'est comme Hülkenberg. Tu ne veux pas forcément t'en séparer, mais bon, par la force des choses, c'est peut-être le problème. C'est compliqué. Moreira, là, qui est le seul rookie de l'année, moi je suis désolé, il fait du très bon boulot, Moreira, pour l'instant. Et vu les essais d'intersaison, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment à ramasse. Bah, en fait, il est très bon. Il est vraiment bien. Toprak, lui, il est à la ramasse, mais on sait qu'il est là pour 2027, donc voilà. C'est surtout ça qui va se jouer. Lemmy Wicks a raison. On veut évidemment Barry Baltus en MotoGP, mais évidemment. Mais bon, moi Barry, je l'aime beaucoup, Barry Baltus. Voilà, c'est. Mais bon, 16e du championnat au bout de deux courses, peut-être falloir faire quelque chose Barry. Là, c'est difficile parce que bon, on en faisait quand même l'un des favoris pour cette année. Barry Baltus, vu sa fin de saison tonitruante l'an dernier. Ah, c'est un peu plus compliqué, donc voilà, il va falloir qu'il remonte un peu. Mais le Moto2, ça devient une catégorie aussi maintenant où t'as régulièrement, en fait, des cracks. T'as des Acosta, t'en as quelques-uns comme ça qui sont vraiment au-dessus du lot et qui montent en MotoGP. Les autres, bon, t'as Ogura qui a réussi à monter, mais c'était après plusieurs années quand même de galère. Mais finalement, il est très bon en MotoGP. T'as Moira qui a réussi aussi, bon, par on ne sait quel moyen, mais là, quand tu regardes la grille actuelle, bon, voilà, c'est pas non plus. T'as David Alonso qui est censé rouler sur la concurrence, donc peut-être que c'est lui qui va pouvoir faire ce qu'il faut. Mais il faut trouver le bon timing. Maintenant, les meilleures places que t'as aujourd'hui, les meilleures places, les places les plus disponibles, dirons-nous plutôt, c'est chez Yamaha. Parce que Yamaha, potentiellement, ils peuvent virer trois. Ils peuvent en virer deux, Miller et Rins, et le troisième se barrer, c'est Quartararo. Toprak, lui, il restera. Je pense que ce serait une connerie monumentale de le faire venir juste pour un an et ne pas le garder pour les Pirelli qui arrivent. Mais à part ça, alors Hatchoum, comme je l'ai dit à Hatchoum, il y a trois pilotes consignés pour 2027. 3 sur 22. Il y a 19 places disponibles. Voilà. Donc ça, pas de souci. Mais bon, chez Tech 3, franchement, est-ce que t'as vraiment envie de te séparer de Vignales et de Bastianini ? Bastianini, je peux comprendre. Alors, le truc, c'est que... ouais, non. Je pense qu'ils veulent pas s'en séparer. Le seul truc, ça sera par rapport à l'argent. Parce que tu prends... là, t'as quand même deux pilotes hyper expérimentés qui peuvent te faire un laboratoire roulant, tout comme Zarco fait avec Honda et a toujours fait avec les autres marques, c'est que tu peux te baser sur l'expérience de Bastianini et de Vignales pour développer ta moto en off. Je pense qu'ils seront aussi très intéressants, pour développer la future moto pour avec la nouvelle réglementation. Je pense qu'ils sont très importants. Si tu les vires pour mettre deux rookies pour gagner sur du salaire, ça peut être potentiellement beaucoup plus compliqué et tu vas te retrouver sur tous les ans le jeu que KTM faisait, c'est-à-dire que tous les ans tu changes de pilote, tu vires tout le monde, tu changes, tu prends un rookie tous les ans en te disant bah, cette année j'aurai le rookie qui va gagner. Je ne les vois pas changer. On rappelle un truc chez Tech 3, hein. C'est Gunther Steiner maintenant. Ouais, et j'allais dire, et Steiner de rookie, il a déjà connu. Voilà. Donc, et je pense que Steiner, le fait qu'il détestait les rookies en F1, il doit pas trop changer d'idée en MotoGP. Donc, à mon avis, tu lui présentes le plan en disant, écoute, t'as Vidiale et Bastianini, ils ont gagné des grands prix. Voilà, l'an dernier ils ont fait le job parce que franchement Vinales l'an dernier il se blesse, hein. faut pas oublier qu'il se blesse et qu'il y aura toute la fin de saison, mais sinon il fait quand même le podium au Qatar, même si ensuite il y a eu le problème de pression de pneus. Mais à côté de ça, ouais, je pense qu'il y a pas vraiment de raison de les changer. En fait, c'est que voilà, là t'as pas vraiment ça va se jouer sur comment la saison évolue en Moto 2. C'est là, voilà, si en Moto 2, quelqu'un commence vraiment à sortir du lot, bah là, les équipes vont commencer à le vouloir, forcément. Mais à côté de ça, alors après, il y a des rumeurs pour des équipes qui changeraient de marque ou pas du tout. Je crois qu'il y a Gresini qui repartirait peut-être chez Honda. Ouais, il y a des rumeurs. Parce que Honda aimerait récupérer un satellite. Ça, c'est quand même, ce serait pas mal, un type satellite pour eux. Mais d'un autre côté, Gresini, est-ce que tu peux vraiment partir du principe, parce que eux, s'ils partiraient, c'est parce qu'ils se sentiraient peut-être pas considérés par Ducati. Mais Marquez a une 2026. Aldeguer, c'est clairement le futur de Ducati aussi, et ils le soutiennent beaucoup. Donc voilà, ça peut venir effectivement, Jean Balek, du prix que Ducati demande pour les motos. Ça, c'est sûr que quand tu as une équipe satellite à un moment donné, et je pense que Pramac, ça a quand même joué aussi dans leur décision. À la fin de 2024, c'est de dire qu'à un moment donné, Ducati demandait tellement. Et ils ont vu aussi que alors, même si Martin a réussi à avoir le titre, bon, il fallait se battre, hein, pour aller chercher, parce que Ducati, les équipes satellites, ils ne voient pas forcément ça du meilleur œil possible. Oui, Gazou. Je me pose une question au sujet de Ducati. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu, entre guillemets, piégés par Marc Marquez, dans le sens où, si jamais ils le perdent, est-ce que ça ne ferait pas un peu descendre la valeur globale de la marque? C'est-à-dire que si on imagine un move de Marquez qui signe chez Honda, on pourrait se dire, ah tiens, peut-être que Ducati n'a plus ce statut de top team, et puis après on verra comment se déroule la saison, hein, si vraiment les Aprilia sont toujours devant. Est-ce que Ducati a un peu peur aussi de passer comme les seconds couteaux du plateau? Bah, je pense pas, dans le sens où il y a DJ encore, hein. Parce que est-ce que c'est pas un risque finalement de perdre Marquez parce que voilà, le pilote n'aura pas eu confiance au projet de l'an prochain, etc. Et dans ce cas-là, qui tu signes finalement, ça serait ça, qui tu signes pour remplacer Marquez? Non, mais moi, Marquez, le truc, je crois sincèrement, là, il s'est retrouvé chez Ducati parce qu'il voulait gagner. À un moment donné, il a dit, bon, Honda, vous êtes bien sympa. Maintenant, ouais, il voit ce que Honda fait, il voit comment Honda développe la bécane, il peut s'inscrire dans un projet avec un tout nouveau règlement l'an prochain, et Honda, quand ils changeaient de règlement dans les années 2010 et tout, ça marchait bien. Donc, il voit tout ça, ça peut être tout à fait le très bon moment pour lui pour retourner. Mais je pense pas que les autres verront ça comme un signal inquiétant pour Ducati, sachant qu'encore une fois, on parle de Ducati comme s'ils étaient maintenant au fond du trou. Ils ont juste, au pire, la deuxième meilleure moto du MotoGP. Hein. C'est pas non plus. Ils ont tellement roulé sur tout le monde depuis 4 ans qu'en fait, on est habitué à aller voir, à avoir 5 Ducati au top 5. Voilà, mais là. Il n'y en a plus que 2, c'est tout. Voilà, là pour l'instant, et encore une fois, Alex Marquez, voilà, il a très mal commencé en Thaïlande. Au Brésil, ça s'est pas trop mal passé. Aldeguer, je pense qu'il va encore faire une saison de malade parce que finir 7ème, alors que tu t'es pété le fémur en janvier et que c'est ton premier Grand Prix, franchement, je dis chapeau. Mais voilà, donc justement, Ducati, eux, c'est précisément la marque qui a prouvé qu'ils n'ont pas besoin de stars. Ils ont réussi à avoir Marquez, tant mieux pour eux. Mais ils amènent au titre Jorge Martin, Pecco Bagnaia, ils ont fait gagner des grands prix à Petrucci, à Miller, à Bastianini, à Aldeguer, à Didja, enfin, ils ont fait gagner des grands prix à plein de monde. Donc, s'ils arrivent à garder ce côté-là, je pense que star ou non, c'est pas ça qui va vraiment leur coûter grand-chose. Le vrai problème principal, c'est celui qui est posé par Aprilia potentiellement. Mais on n'est pas à l'abri qu'Aprilia foire complètement la prochaine moto aussi. Bien sûr. Parce qu'Aprilia, ils sont arrivés en 2015. Hein, et c'est que depuis l'an dernier que ça marche bien. Et on est sur une... on est un peu comme en Formule 1, on est sur une fin de réglementation, les motos sont au point, tu peux pas faire plus. Donc l'an prochain, oui, on va recommencer à zéro. Alors, je pense pas, honnêtement, vu maintenant l'expérience qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils soient à la rue. Non, clairement. Mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, la hiérarchie peut très vite changer. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça fait bien 10 ans que ça n'a pas changé en plus le règlement MotoGP. Hein. Ah non, c'est que Covid, ils avaient tout figé. Mais même avant, parce que si, en soi, je crois pas qu'ils aient refait de changement de cylindrée. Ah non, le changement de cylindrée, ça date. Hein. Ouais, je crois sincèrement que la Ducati de cette année, elle est basée, on va dire, de manière très ancienne, elle sera à 2016. Hein. C'est vraiment, à mon avis, 2016, avec l'arrivée des ailerons et tout, c'est là où ils ont commencé à mettre en place tout le truc. Et depuis, tu regardes, ça évolue en aéro, mais en soi, en termes de puissance, enfin de rapport poids-puissance, de cylindrée, tout ça, je crois que le MotoGP est vraiment resté depuis très très très longtemps sur le même... la même formule, donc là il y a pas mal d'équipes qui vont devoir se réinventer un peu, et c'est là où un Honda peut redevenir intéressant, parce que Honda, c'est clairement une équipe qui s'est paumée avec l'aéro, sauf que l'an prochain, le changement principal, c'est le moteur, et il y a moins d'aéro, donc peut-être qu'ils pourront retrouver leur savoir-faire. Donc ça va être passionnant, cette affaire. On verra ce que ça donnera. Mais voilà, ça risque de bouger. Mais je pense que là, tout le monde s'est pris une petite claque quand même au niveau du début de saison, en disant, ouais, bon, bah là, on va peut-être attendre un peu avant de signer les contrats qu'on avait. Alors évidemment que les équipes satellites auront les motos de la nouvelle réglementation. Je pense que... Alors, moi, si je suis une équipe satellite, oui, je demande à avoir une 1000, avoir une moto de cette année, oui. Mais je crois que c'est interdit. Hein. Je pense que quand les mecs, ils vont... On a connu des époques, oui, Xoans, mais là, quand je vais arriver avec mon Duforest Racing, qu'on aura récupéré deux Yamaha de 2025 et qui collera quand même 8 secondes aux motos de 2026, là, ils se foutront un peu de notre gueule. Là, ils se diront, oui, alors vous êtes gentils, mais peut-être vous devriez rentrer dans les clous. Toro Rosso en 2006, quoi. Voilà, là, ça ira. Là, on n'est plus comme à l'époque où une MotoGP, où ils avaient encore les Tech 3 qui étaient en 500, des machins, non, ça, voilà. Là, bon, là, clairement, c'est un nouveau règlement pour tout le monde, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être une équipe satellite que l'an prochain, puisque tu auras la même moto que tout le monde au début de saison. Ça, au moins, t'es sûr que toutes les Ducati seront pareilles, toutes les Aprilia seront pareilles, machin. Après, toi de développer. Évidemment, elles n'auront pas les développements en cours de saison, les satellites. Bien que... Mais je me dis, ça peut poser des problèmes, hein, quand même. Enfin, voilà, certaines... Imagine tes Ducati l'an prochain. Marquez est parti chez Honda. Tu te retrouves avec un duo, on va dire, Acosta... Allez, t'as Acosta Aldeguer dans l'équipe officielle, parce que je me demande vraiment s'ils ont envie de garder Bagnaia. T'as Acosta Aldeguer dans l'équipe officielle, et finalement, c'est Alex Marquez qui déglingue tout avec la Grésini. En début de saison, est-ce que tu vas continuer de dire, bah finalement, je ne lui donne pas les évos, alors que c'est lui qui a le plus de chances de gagner. Donc ça va être un peu spécial, je pense, tout ça. Ça va être assez sympa. Ce week-end, il y avait aussi autre chose. Alors, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, sur MotoGP. Je pense qu'on a Non, je pense qu'on a fait le tour. On a évoqué pas mal de sujets. Là, on a été assez complet, ce qui était ma foi pas mal. Il y avait, mesdames, messieurs, de la Formule E ce week-end à Madrid. Enfin, Madrid. Sur le circuit de Rahama, hein, soyons précis. Mais bon, c'était l'hybride Madrid, quand même. Et puis, bah, hey, victoire d'Antonio Félix da Costa devant Mitch Evans, donc doublé Jaguar, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Jaguar qui se met enfin en position peut-être d'aller chercher le titre pilote, parce que bon, ils l'ont perdu quelques fois ces derniers temps. Oui, Xoans, on parlera évidemment du goudron plus tard, vous en faites pas, ça on a prévu de l'évoquer, il n'y a pas de problème là-dessus. Pascal Wallin qui termine 3ème de justesse, parce que finalement tout ça s'est joué dans le dernier tour quand même, hein. On avait Dan Ticktum qui était là avec la Cupra, on avait Edouard Mortara, pardon, Jack Dennis, non, c'était vraiment une course très sympa jusqu'au bout. Bon, salut Idriss Elba qui est propriétaire de Cupra Quiro, enfin copropriétaire de Cupra Quiro, et qui était là et qui était déçu, puisque Dan Ticktum était parti pour l'emporter et puis t'as pas gagné. Mais là, Jaguar, ça commence à être pas mal, hein, quand même, sur ces fins de course. Et pour une fois, s'il vous plaît, le pit boost n'a pas été complètement débile. Enfin, quand je dis ça, c'est très violent, mais Antonio Félix da Costa a dit je vais prendre mon pit boost avant tout le monde, je vais faire mes tours dans le clean air, machin, et ça a marché, il a undercuté un peu tout le monde. Voilà. Là, il y avait un peu une idée. Et effectivement, c'est un vrai week-end réussi pour la Formule 1, parce qu'il y avait du monde dans les tribunes. L'action en piste était très sympa. Je pense qu'ils se sont trouvés. Ça aura mis beaucoup de temps. Mais je pense que là, ils sont globalement trouvés. Et en plus, avec la F1 à côté, qui, bon, patauge un peu, il y a peut-être un vrai axe de développement à aller chercher. Et je crois que la Formule 1 est en train de switcher petit à petit ses intérêts. J'ai cru voir qu'il s'intéresserait peut-être à aller, peut-être dès l'année prochaine, sur Zandvoort. Mais ouais, ils ont plus la F1. Et l'an prochain, ils vont en avoir besoin des circuits permanents. Hein. Parce que la voiture avec des performances de F1, tu vas pas les foutre à l'hippodrome et à tous les circuits ultra sinueux qu'on avait. Tu vas pas avoir la place. Donc, franchement, c'est que le concept de la Formule 1 est un peu en train d'évoluer. Progressivement, elle est en train de sortir des villes. Ben c'est ça, et je pense qu'ils se sont rendus compte aussi, parce que c'était super, hein, l'idée de les faire venir en ville, tout ça, c'était franchement les premières saisons, il n'y a pas à dire, mais l'idée de pouvoir aller en Uruguay, ils étaient allés en Chine, machin, enfin ils étaient allés vraiment dans des pays aussi, et dans des villes qui n'ont pas l'habitude de voir le sport auto, ça faisait venir du monde, ça ok, ça marchait très bien, mais aujourd'hui, si tu les fais venir sur des... Si l'an prochain, si l'an prochain, les pistes, les voitures sont bonnes, et franchement, ce qui se dit avec le développement de la F4, ça marche bien. Si la F1 continue à décevoir autant qu'elle déçoit, et s'ils sont sur des circuits vraiment sympas pour le coup, sans devoir ajouter de chicanes, de machins, de bidules, bah t'as une vraie bonne alternative, avec un peloton, on rappelle, c'est quand même le seul championnat du monde des FIA où tous les pilotes sont payés et aucun ne vient apporter de budget, on va dire. Ce qui est quand même assez fabuleux. Il y a un vrai truc à jouer, hein, pour l'an prochain, pour la Formule 1. Et des courses comme on a vu ce week-end, avec les prix de Madrid, bah, ça prouve que tu peux faire revenir du monde sur des circuits. Le faire sur des circuits pas trop, je vais pas dire connus, mais plus trop utilisés aujourd'hui, parce que Jarama, franchement, des courses là-bas, t'en vois jamais. Mais si tu commences à faire un peu comme faisait la Super League Formula, tu ramènes des courses comme ça de monoplace à Brands Hatch, des trucs comme ça, Yoler nous dit qu'effectivement, The Race annonce Laguna Seca potentiellement. Mais moi, je fonce, il faut faire des trucs comme ça. T'as Imola qui pourrait avoir sa place aussi. Imola qui a plus de F1. Xoenzi Manicourt, moi j'adorerais qu'ils se disent, voilà, on les amène à Manicourt, on les fait rouler là-bas. Enfin, t'as un vrai moyen de te différencier. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Moi, le Castellet aussi, ça peut faire la blague. Alors moi, si je suis très honnête, c'est l'unpopular opinion du jour, mais j'avais vu ça sur Twitter à propos de Brands Hatch. Si on pouvait arrêter la mainmise du Castellet sur le sport auto français, ça m'arrangerait. Hein, parce que... Mais pourquoi ? Mais il n'y a que le Castellet et le Mans aujourd'hui. Faites des trucs sur d'autres circuits. Ah oui, mais bon, personne ne veut y aller sur les autres circuits. Mais Manicourt, c'est très bien. Ouais, c'est perdu au milieu du... Bah oui, mais enfin, on va pas se mentir. Est-ce que c'est vraiment grave si la Formule 1 va au milieu de nulle part? C'est bon, ils vont pas faire 150 000 personnes non plus, ça va. Encore pour la Formule 1, ça irait. Parce que, bon, okay, et moi, je suis désolé, mais l'argument de dire à chaque fois « Mais Manicourt, c'est perdu. » Putain, mais les gars, le Paul Ricard... Ah, le Paul Ricard, faut y aller, c'est chiant. Avec votre route qui serpente pendant 40 bornes, là, mais arrêtez. Moi, c'est très bien, Manicourt, t'as la 4 voies, tu sors, bam, bam, bam, t'arrives. Alors oui, c'est perdu, d'accord, effectivement. Les hôtels de Nevers vont faire le plein. Ça, oui, je ne conteste pas. Monsieur Duforest, vous n'avez pas voulu investir dans ce superbe projet que vous avez quand même soufflé à l'oreille, de louer cet Airbus pour les essais privés de Barcelone. Il y a une piste au Castellet, donc on peut très bien se poser. C'est plus petit, bien sûr. Mais oui, mais ça, je veux pas le savoir, ça. Il y a un aérodrome au Mans. On peut aussi se poser. Là, on se pose à côté de la piste, littéralement. Voilà, mais à un moment donné, c'est vrai en plus, Gazou, c'est l'hôpital qui est sous la charité. Il est dans le Cantal, le gars. Et il se permet de dire que Manicourt s'est paumé. excusez-moi. Alors voilà, et alors maintenant évidemment tout de suite, les gens vont dans l'extrême, bien évidemment. Drac Catala voudrait qu'on redonne vie au circuit des Platanes à Perpignan, puisqu'il est à 10 minutes de marche. Alsace Nation veut voir la Formule 1 à l'Anneau du Rhin. Écoute, t'as déjà une manche de Fun Cup chaque année, c'est déjà super. Voilà, on aura des gens qui voudront voir la F1 à les deux noms. Voilà, et pourquoi pas Nogaro avec les coupes de Pâques. Arrêtez le circuit de Charade. Et pourquoi pas réhabiliter Reims-Gueux, voilà. S'il vous plaît. Oh, le circuit des remparts, on y met une Formule 1 dessus, ça peut être exceptionnel. Ben oui, et pourquoi pas Pau, t'as tant qu'à faire, on en est, il est où, Tim? Allez. Un Grand Prix de Lens au stade Bollard, allez. J'en ai marre, arrêtez s'il vous plaît. Mais je trouve qu'il y a un truc comme Manicourt, eh ben, ce serait cool. Quand tu vois que le Red Bull Motormania a réussi à faire quand même venir les foules, alors que c'était... Ah ouais, pour le coup, c'était tellement bonjour, venez, il n'y aura pas de course. Oui, j'arrive, je cours. Manicourt, j'y cours, voilà. Bon, on fait les prix de Paris pour les... Non, moi les prix de Paris c'est fini, moi j'en peux plus. C'était insupportable les prix de Paris. Enfin c'était une bonne idée, hein, mais bon voilà, c'était compliqué. Ils ont dit, j'ai vécu l'an dernier les FIMG Light Fever de l'enfer, car ils sont tous contre la F1 de cette année. Ah ça ma bonne dame, hein. Voilà. Thibaut, alors que Rouen les essarts, mais tout à fait, mais allons-y, mesdames, messieurs. Et pourquoi pas la Formule 1 sur le grand circuit des 24 heures du Mans, au point où on en est, hein. Bon, alors là, par contre, pas sûr. Pas sûr. Ou rajouter 5 chicanes dans les lunodières, pas sûr. Mais voilà, ce serait bien qu'ils fassent revenir la F1 en France. Moi, j'aimerais bien. Mais tu vois, je me dis, même un circuit comme Monaco, ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Si les feux sont vraiment... Alors, l'avantage, c'est qu'elles vont rester petites, elles vont rester compactes, donc ça, c'est pas mal. Mais quand tu regardes les circuits, on a actuellement, si tu regardes le calendrier actuel, on a... Sao Paulo, franchement, ça peut le faire, hein, parce que l'Indycar est roulé, donc tu peux... et c'était au même endroit, hein, autour du Sambadrome, donc tu peux encore rouler en ville là-bas. Mexico, ben, c'est un circuit de F1, c'est réglé. Miami, pareil. Jeddah, pareil. Donc ça, au moins, tu peux tous les garder. Ça, tu sais qu'il n'y aura pas de, soucis. Jarama, je pense que ce serait tout à fait adapté. Berlin. Ben, Berlin, en soi, l'avantage, c'est comme tu es sur un ancien aérodrome, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. Donc, ils peuvent peut-être adapter. À l'usure, je peux plus le voir. Oui, non, mais ça, bien sûr, mais à un moment donné, bon, c'est bien aussi qu'il y ait des circuits un peu historiques, entre guillemets, dans un championnat. Parce que... Mais Londres me convient parfaitement. Tu vois. Ouais, mais Londres, est-ce que tu arriverais à les faire rouler là, dans l'indoor, machin, tout ça là? Alors, je suis moins sûr. Il faut qu'ils refassent le tracé, parce que ça commence à devenir compliqué. Ça va être difficile. Monaco, bon, bah, là, ailleurs, tu peux dire, tant qu'on met des F1, on peut mettre n'importe quoi dessus, donc il n'y a pas de souci. Shanghai, c'est circuit de F1. Sanya, bon, on va déjà voir quel circuit ils vont faire pour le retour. Tokyo, ce serait bien que ça reste, hein, parce que Tokyo, en plus, ça va être de nuit cette année. Et donc, franchement, des courses de nuit à Tokyo, ça, ce serait quand même plutôt cool. Et Londres, ouais, bon, Londres, c'est un peu compliqué. Mais bon, si tu remplaces Londres par Brands Hatch, que tu rajoutes Imola, il y a moyen, franchement, c'est pas... Ouais, franchement, Zandvoort, Imola, Brands Hatch, je kiffe. Qu'est-ce que je dis, virer Londres. Mais oui, virer Londres, enfin. Non, mais donc voilà, ils ont moyen de faire quelque chose de pas mal. Au championnat cette année, parce qu'il y a quand même un championnat, mesdames, messieurs, je tiens à vous le dire. C'est, avant l'an prochain, il y a déjà ce qu'il faut. C'est Pascal Wehrlein pour l'instant qui est en tête devant Eduardo Mortara, Mitch Evans, Antonio Félix Acosta et Nick Cassidy qui a décroché la première pole position de Citroën. On le rappelle quand même ce week-end, du côté de l'IPRI de Madrid. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Et tout à l'heure, on vous parlera aussi un petit peu du rookie test qui a eu lieu le lendemain. Et au rayon bonne nouvelle pour la Formule 1, Lucas Di Grassi est dernier du championnat. Voilà, ça c'est le... Là, j'ai regardé, il a deux places de des points, mais c'est dommage. C'est con. Mais du coup, il fait 12, ce qui est son meilleur résultat de la saison. Mais Drugovic aussi a fait 12e une fois. Et Maloney a fait 11e. Avec une belle bulle. Enfin, il va même me faire un point, donc voilà, c'est compliqué. Valkyra qui dit, elle avait fait à Portimao, tu prends. Oui! Si, Portimao, c'est sympa. Si ça termine pas dans la tribune, on prend. Oui. Non, mais en fait, quitte à... C'est con, mais moi, j'aimerais... Quitte à être dans cette optique-là, fouler à Estoril. Tu vois, moi, j'aimerais être dans l'optique de, eh ben voilà, on a passé les 10 dernières années à construire des circuits pour la F1, machin et tout. Eh ben, réhabilitons les anciens circuits qui étaient, les anciens circuits qui étaient là avant. Et tu les remets, voilà. J'allais dire, bah, Formule, bon, ils ont Berlin, mais t'enlèves Berlin, tu mets Hockenheim à la place. Pourquoi pas? Ou, là aussi, tu penses au-delà du truc, tu vas au Lausitzring, tu vas, t'as plein de circuits que tu peux comme ça remettre au goût du jour avec un championnat du monde des filles. Hein. Ça peut être pas mal. Le vieux que nous dit Thomas Jambalek, oui, mais alors on met des lames sur l'avant de la voiture et elles servent de tondeuse pour la forêt, hein, parce que là, là tout de suite ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le remettre en état là tout de suite. Ce week-end il y avait aussi de la NASCAR, mais avant de la NASCAR j'aimerais quand même qu'on parle d'IMSA, parce que bon, on n'en parle pas souvent. Et c'était les 12 heures de Sebring, hein, voilà, juste comme ça pour le plaisir, l'une des plus grandes courses d'endurance de l'année, quand même. Alors, les 12 heures de Sebring, qui ne sont évidemment pas à Détroit, c'est une astuce, vous en faites pas. Victoire de Porsche, bah oui, alors là, autant vous dire que... C'est-à-dire que Porsche, si vous ne compreniez pas l'idée de pourquoi ils sont restés en IMSA et ils sont partis du WEC... Disons que la BOP marche pas mal pour eux. Ils ont fait doubler. Et doubler confortable. Hein. Là, alors non, MG, pas 6-7. Ils ont pas fait 6-7. Non, ils ont fait 7-6. Et ça a causé bien des tourments à Kevin Estre. Puisque du coup, comme à Daytona, c'est Felipe Nasser, Lorraine Heinrich et Julian Glover qui l'ont emporté. Et dans un numéro 6, on avait Kevin Estre, qui était en tête en fin de course. On lui a dit à la radio, t'en fais pas, on gèle les positions. Et Felipe Nasser n'a visiblement pas entendu le message. Comme par hasard. Voilà. Et la radio le coupe toujours. C'est une ancienne base aérienne, ça sautille de partout, c'est compliqué. Voilà. Tu leur parles quand ils sont sur une bosse, c'est... Voilà, donc respect the bums, bah respect the satellite collection aussi, c'est pas facile, voilà. Avec le bon nombre de changements de pneus, tout à fait. Ça, il n'y a pas de souci. C'était plutôt illimité du côté de Sebring, mais d'un côté, je me dis heureusement qu'il y a cette bagarre interne et ces petites bisbilles, parce que franchement, La domination Porsche, parce que la voiture de Nasser, il prend un drive-through en début de course quand même, hein, parce qu'il accroche une autre Porsche, la numéro 5, il prend un drive-through et au bout de 2 heures de course, il est quand même en tête. Devant la 6, et après la 6 et la 7 s'échangent des positions comme ça tout le long. Bah, c'est compliqué. Les autres n'avaient pas vraiment voix au chapitre, même si Cadillac fait la pole avec la 31. Ils n'ont pas vraiment pu faire quoi que ce soit. Bon, le fait que la 31 se fasse accrocher par une Porsche sous safety car, ça n'aide pas déjà aussi. Hein. C'était pas forcément très simple. Sebring Ferrer, c'est totalement validé, évidemment. Moi, ce qui m'embête juste, c'est que quand on vous dit Sebring Ferrer, vous pensez fan 2. Moi, je pense à l'Eurovision 2006, mesdames et messieurs. La Coco Dance, c'est important. L'année où Monaco s'est dit « Envoyons une chanson qui sonne tahitien à l'Eurovision. Les gens vont adorer. » Spoiler, ils n'ont pas adoré. Qui aurait pu prédire? Arnaud qui me dit, je fais un mélange joli, je regarde le Racing Café et en fond Barbie. Barbie, Barbie la poupée ou... Le film ou Klaus? Parce que moi j'ai pas j'ai peur. Tu me dis, tu viens de me spoiler 2006. Oui, oh bah ça va monsieur, hein. S'il vous plaît. Plus le match de foot. Oui, bah oui, la station, vas-y. Mets-toi deux, trois petits trucs à côté aussi, si tu veux. Hein. On peut. Lance-toi une partie des F1-25, voilà. Lis un bouquin, et puis. Là, on sera bien en Big 2026. Hein. Les jeunes n'arrivent plus à se concentrer sur une seule chose. Là, lance un site où on te demande de vérifier ton âge. Voilà, non mais moi je suis désolé. En tant que présentateur depuis des années maintenant du Racing Café, je vous le dis tout net. Cette jeunesse qui est incapable de parler d'un sujet et de ne pas dévier vers autre chose, de ne pas faire de digression, je trouve ça insupportable. Ok, Philippe Devilliers. Insupportable. c'est au moins aussi insupportable que ce week-end. Je suis sorti. Non, mais oui, effectivement, je sais que. Voilà, bon. On va pas vous blâmer si on vous dit que vous n'avez pas de temps d'attention, puisque nous-mêmes, on n'en a pas. Donc, franchement, on rentre mal dans cette catégorie-là, hein, très clairement. On parlait de quoi, d'ailleurs? Ah oui, dis-moi ça. Il y a Lilou Wadou qui a gagné aussi. Donc c'est bien aussi, Lilou qui a gagné en GTD. Avec évidemment un dépassement de malade mental de Foco dans le dernier tour, parce que c'est du GTA Sebring, hein, toujours, ça, faut pas s'inquiéter. Ça se finit toujours comme ça. Perso, je suis en train de jouer tout en vous écoutant, en jetant des couilles au chat, Irak Catala. Mais chapeau l'artiste, chapeau l'artiste. Je me suis dit, il y a trop de jeunes. À mon époque, il y avait beaucoup moins de plus jeunes que moi que maintenant. Mais ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs le problème principal du sport auto actuel. Oui. Ils sont quasiment tous plus jeunes que moi. C'est... Ah, moi j'ai pris une claque, hein, le jour où j'ai commencé à regarder la saison de F1, et littéralement tous les pilotes pouvaient être leur père. Donc ça... Oui, ça c'est vraiment le gros problème, Gazou, c'est que quand même, Kimi Anthony est le dernier vainqueur en date, tu peux être son père. Oui, mais oui, j'en suis conscient. C'est... Moi, franchement, j'aurais pu, mais je l'aurais eu très jeune quand même. Alors, fun fact. Oui. J'aurais pu être papa, très très jeune. Et après j'ai changé de bord. N'importe quoi. J'en ai marre, mesdames et messieurs. L'histoire est vraie. Petit Jean dit maintenant faut réussir à placer Loana et Léo Jospin dans la conversation. Oui, non, mais alors là, par contre, si tu commences à faire toute la liste de ceux qui sont morts ces dernières semaines, là ça va être compliqué. Hein. Ah, le mois de mars, c'est violent. Oh la vache! Là, on s'en est pris quelques-uns sur le coin de la gueule, c'est correct quand même. Hein. Ah, qui c'est qui a mal mélangé les cartes du Uno, là? Parce que plus 4, plus 4, plus 4. Putain, c'était. Mais alors, l'histoire retiendra, et ça, c'est quand même. Voilà. L'histoire retiendra que le même jour, on a eu Chuck Norris et Isabelle Mergo. Ouais. Et ça, eh ben. Ça a bien fait chier quand même, cette affaire. Hein. Dans un sens. Ouais, parce que imagine Isabelle Mergo en train d'annoncer le décès non, de Chuck Norris. Non, non, non. On respecte. Alors, je me permets parce qu'elle-même était très à l'aise avec. J'ai cru qu'à dire, je me permets parce que moi-même, j'ai un cheveu sur la langue. C'est complètement faux, hein, vous l'avez remarqué, mais. Ah oui, non, mais là, la carrière Will Death Note s'est reperdue. Là, je sais pas, quelqu'un a fait quelque chose, mais. C'est assez terrible. Hein. Gaël perd Hamilton, je croyais, je savais pas qu'il allait sortir le casou. Mais non, dans son hélice, s'il vous plaît, au secours. C'était compliqué. Arnaud dit, je préfère Mergo vu l'homme qui est Norris. Alors, qui était déjà, hein, parce que voilà, hein, Chuck, c'est terminé. Hein, je tiens à vous le rappeler. Fun fact, Kimi Anthony, le premier pilote à gagner en F1 en s'appelant Kimi depuis Kimi Räikkönen. Ah non, mais on peut en faire beaucoup des comme ça. Hein. Là, avec la victoire d'Antonelli. Mais voilà, Antonelli. Moi, ça m'énerve, les mecs qui gagnent à 19 ans. Hein. C'est... Non, j'aime pas ça. Parce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière vu qu'on n'était pas là. Ah oui, Gaïuzo a dit je pourrais être leur père à tous. Oui, non, mais oui, non, mais alors bon. Thibaut, t'es bien gentil de dire qu'il pourrait être le père d'Hamilton, je ne sais pas quelle est son pige. S'il peut être le père d'Alonso, déjà. Alors ça voudrait dire qu'il est grand-père depuis hier déjà, donc félicitations. Oui. Bravo, bravo Gazou. Antonelli Furtado. Nous a mis contexte d'Annie. Ça ne parle qu'à nous, hein. Ça c'est le problème, ça ne parle qu'au lieu. Enfin pardon, alors il a surtout rajouté derrière les paroles complètes de Timbaland dans la chanson. Puisqu'il a écrit Antonelli Furtado, entre parenthèses, voilà, c'est. On est tout... j'avais plus le titre, j'étais en train d'essayer de le retrouver, c'était terrible. Ah non, mais c'est. Voilà, c'était. C'est... Moi, je rappelle que quand je grandis, je veux être Timbaland. Hein. Parce que franchement. Le mec, il fout juste des. Il pose des classiques et derrière, on doit faire. Exceptionnel. Et ça fait des milliards. C'est ça, voilà. Hein, t'as quelqu'un qui vient, sexy back. Yeah! Voilà, c'est tout, c'est merci. J'ai enregistré ma partie, je peux rentrer tranquillement, brasser le pognon, puisqu'évidemment. Quelle dure journée, hein. Right. Voilà, c'est Timbaland. Oui, t'avais Timbaland et t'avais. C'était pas Big Ali qui faisait des feats, il était 5 secondes à la musique. Ah non, non. Ah non, Big Ali faisait les intros, pardon. Ouais, mais Big Ali avait la. Oui. Big Ali avait la décence de venir faire « Let's go, Big Ali, New York City voilà. !» Au moins, il y avait ça. Ça, au moins, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que Big Ali, il faut reconnaître qu'entre 2005 et 2008, globalement, fiscalement, il a fait des bonnes années. C'est qu'il n'y avait pas une chanson qu'il sortait sans l'entendre lui. Il était littéralement partout. Donc au moins, voilà, ça, tu sais que fiscalement, il était bien. Et depuis, il n'a plus rien fait. Enfin si, depuis maintenant, il fait des concerts avec Fatal Bazooka. Donc voilà, vraiment, il vit la vie, hein, finalement. Mais Timbaland, je rappelle que Timbaland, quand même, il est arrivé. Il venait en studio, il fait, vas-y, mets-moi de la reverb. Ouais. Hey! Allez, c'est bon, on l'a. Et, alors par contre, juste, je vais remplir les papiers pour la SACEM. Hein, donc je suis producteur. Interprète du coup, hein, je vais quand même de faire hey, auteur, compositeur, l'autre il prenait 92% des royalties sur chaque chanson quand même, hein, c'était très fort. Il passait à la platine, bon ben les arrangements c'est moi, donc voilà. Hein, c'est, il venait, je pense qu'il venait partout à chaque fois, non, ta démo est super, attends, je vais changer ça, hey. Allez, bah c'est moi qui l'ai fait du coup, hey, bah vendu, allez, on passe ça en radio, vous êtes bien gentils. Changer le pitch, hop là, ah, c'est pour vous êtes bien gentil, mais enfin la villa, elle va pas s'acheter toute seule, hein, clairement. Mathieu, il y a grande époque où les chanteurs s'annonçaient dans les chansons. Le point parfait, évidemment. Allez, j'enlève même Imsa de semaine, car ça y est, nous sommes maintenant dans Fréquence Star, vous en faites pas, mais le moment de vous rappeler qu'évidemment, Sean Paul ne dit pas Sean Paul au début de ses chansons. C'est important. Ni Shangapol, hein, évidemment. Il a mangé Big Flo et Oli, ça a fait Big Ali. Oh non. Elle est horrible pour texte d'anime, elle est très drôle. Et par contre, oui, Marie-Jean Balek a tout à fait raison. On vous autorise à arrêter de regarder le Racing Café pendant les 3 prochaines minutes. Et à courir sur YouTube. À taper 4 mots que vous n'auriez jamais imaginé écrire ensemble. À savoir Michel Delpech suivi de Big Ali. Et franchement, Big Ali qui rejoint Michel Delpech sur le Loir-et-Cher. Attends. C'est le meilleur truc que vous entendrez de votre vie. Hein. Je suis tombé parce que quand il arrive et qu'il fait on dirait que c'est gêne de dîner avec tout. What? C'est exceptionnel. C'est le meilleur truc de l'histoire de l'humanité. Parce que Big Ali, il faut quand même se rendre compte que c'est le plus franchouillard des artistes américains, quand même. Hein. On est sur des trucs formidables. Mais voilà. Donc, ça. J'ai tapé dans Google Vidéo Big Ali Michel Delpech. Je tombe sur un lien Facebook qui a écrit sans aucun doute la meilleure vidéo de l'histoire. Non, parce que en plus, je dis ça, mais déjà. Michel Delpech, Big Ali, vous êtes déjà sur du bien. Sachez qu'ils sont 4 à la chanter, la chanson. Parce qu'avec eux, il y a William Baldé. Alors ça, oui, ça vous dit rien, c'est normal. Hein, mais c'est le mec qui faisait un rayon de soleil, c'est insupportable une chanson. Et il y a Sheriff Aluna, bordel. Je veux dire, là sur scène, on a les Avengers, littéralement. Dites-moi qu'il y a Manu Katché à la batterie, on est bon. Ah, normalement, oui. André Manoukian au piano et Kamel Wally à la Corée, évidemment. Mais franchement, le Michel Delpech, Big Ali, Sheriff Aluna, on n'a pas fait mieux, je pense. Et alors, El Kayuto qui dit, je ne connais pas une chanson de Big Ali sauf ses feats. Eh ben justement, c'est bien pour ça qu'il est connu. Hein, je rappelle qu'il a fait des feats avec Watibi. Alors je dis Watibi volontairement, puisqu'il faisait Watibi Ali. C'est une astuce, hein, évidemment. Il était là sur les chansons de PZK, sur les chansons de Fatal Bazooka. Il était là partout. Tu avais cette période. T'as eu 6 ans où tu avais Big Ali et Florida sur toutes les chansons qui sortaient. Et soudainement, pour mettre un terme à tout ça, en disant, vous êtes bien gentils, on s'arrête là. Il y en a un carrière qui a fait Mr. 305. Et là, c'est terminé. T'en as pris pour 25 ans de pitbull. C'était terminé, c'est terminé. Et aujourd'hui, t'avais eu pitbull partout. T'avais l'enchaînement pitbull et David Guetta qui faisait un feat à peu près avec la Terre entière. Donc, Oui, ça aussi, David Guetta, à un moment donné, exceptionnel, hein, le garçon. Hein. Vaillou Zéro qui dit Name Dropping, où j'ai jamais entendu un seul des blazes. Oh, ben s'il te plaît, quand même. PZK, si, si. C'était de la grosse merde, par contre. Hein, ça, voilà. Hein. Qu'on soit bien d'accord. PZK, hein, PZK, bébé brune, tout ça, à la benne à ordure. Hein. Moi, j'ai aucun. La fitinière, niquez-vous. Niquez-vous, j'en ai marre. David Guetta, il fait un beat, pas un fit. Oui! David Guetta, il est quand même arrivé, il a fait tu, tu, tu, tu, tu. Il est allé voir les Black Eyed Peas, ils ont dit on adore. Il a dit par contre, juste, c'est pas votre chanson, hein. C'est David Guetta, fit vous. Hein. Fit les Black Eyed Peas, s'il vous plaît. Bon, bah, à un moment donné, l'autre il est venu, il a posé littéralement, il a même pas posé trois accords, hein, il a posé une note. Il a dit bah, c'est bon, c'est ma chanson. Voilà, je suis très content. Ah là là là là là là là. Oui, alors, MMG a raison de mettre quand même un truc, parce que je tiens à vous dire qu'on a eu des nouvelles succulentes de Saint-Marin, mesdames, messieurs. Je tiens à vous le dire. Savez-vous qu'en 2021, Florida a représenté Saint-Marin à l'Eurovision? Elle s'est retrouvée dans un feat obscur avec une artiste saint-marinaise. Bon. Cette année, la même artiste saint-marinaise revient. Et elle refait un feat avec Boy George. Oh merde. Donc, je vous promets, branchez-vous devant la demi-finale de l'Eurovision où sera Saint-Marin, parce que honnêtement, si ça passe en finale, franchement, là, je tonds le crâne de Gazou. Je le fais moi-même. On se déplace le faire nous-mêmes. Voilà. Mais branchez-vous devant la demi-finale, parce qu'il y aura littéralement Boy George. Et comme tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec Voyou Zéro et Alsace Nation, je suis ravi que grâce à l'Eurovision, j'ai pu apprendre que Boy George est encore en vie. Ça m'a rassuré. Par contre, je remarque que depuis qu'on a annoncé ça, Gazou est parti. Ouais, il y a un truc qui va pas, là. Ouais, il a dit pas trop envie qu'on me... Mais non, Boy George n'est pas mort. Effectivement, il n'y a que terrible ces artistes qui ont des problèmes d'impôts. Quand une fois... Voilà, il y a eu des années fiscales qui sont meilleures que d'autres. Et là, eh ben, il faut faire... Mais alors, encore une fois, on rappelle que c'est quand même des gens qui viennent représenter Saint-Marin à l'Eurovision, ce qui, en guise de garantie de revenus, on n'est pas sur du très grand. Hein, là, je rappelle quand même que le vainqueur de l'Eurovision gagne un trophée. Ça s'arrête là. C'est à peu près tout. Donc franchement... Oui, Yazou, tu as des... Non, j'allais dire un trophée qui risque de se briser. Ah bah qui évidemment va se briser des... Voilà, hein, c'est le truc, c'est en cristal, mais c'est du cristal, c'est plus du Billy Cristal que le cristal, le truc, hein, vraiment. Oui, non, là, c'est compliqué. Hein. On est plus sur de l'arcopale, à mon avis. Là. Oui, là, c'est très compliqué, hein, mais on est sur l'amour du geste. Peut-être, Marie-Jean Balek, mais je ne suis pas sûr que ces personnes sachent placer Saint-Marin sur une carte. Voilà, peut-être que je ne m'avance pas. Maintenant, je tiens à vous rappeler que vraiment l'arc Florida à l'Eurovision est à étudier dans les plus grandes écoles, puisque donc Florida a remporté Saint-Marin. Il a raté des répétitions de l'Eurovision parce qu'il était à Miami. Ah oui, il s'appelle Florida, il n'était pas en Wisconsin, c'est bon. Mais il était à Miami pour faire quelque chose de plus important que les répétitions de l'Eurovision, puisqu'il était juge d'un concours de bikini à Miami Beach. Très important. Et donc moi je suis désolé mais je le comprends. Et donc globalement le week-end il a regardé des culs, puis il a pris un avion pour Rotterdam, il est venu chanter à l'Eurovision et on lui a dit eh ben, monsieur Rida, vous êtes en finale, bravo, vous restez jusqu'à samedi, allez. Et franchement je vous jure qu'il y a des images merveilleuses dans la green room de Florida avec un drapeau de Saint-Marin. Il ne sait pas pourquoi il agite ce fanion, mais il est content de le faire. Et ça, c'est beau. Et j'espère que Boy George aura autant de ferveur, voilà. Et que l'an prochain, évidemment, Rick Astley viendra en featuring, enfin voilà, hein, tout ça. Mais Rick Astley, le problème, c'est qu'il a, il a encore une carrière, c'est ça le problème. Oui. Il sort encore des albums. Alors que Boy George, bon, hein. Mais Jimmy Somerville est occupé l'an prochain ou il est libre parce que... Ah, moi, je serais... Voilà. Moi, Small Town Boy, je signe. On va juste qu'il dit, moi, ma vraie question, c'est qui Florida ? Non, mais c'est pas possible, ça, mais oh, s'il vous plaît. Mais... Non, je peux pas, non. Ah, attends, peut-être que c'est une différence de génération, je peux peut-être l'appâter avec le fait qu'en 2011, Blue a représenté le Royaume-Uni. Ah oui, ils n'avaient plus d'idée. À un moment donné, ils se sont dit, bah, prenons un boys band des années 90, hein, ça marchera très bien. Puis deux ans plus tard, ils ont mis Bonnie Tyler. Bon, voilà. Bah, j'essaie de faire du name dropping. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Bonnie Tyler, tu vois quand même, rassure-moi. C'est pas vrai. Là, je n'en peux plus. La dame qui casse des pendules. Mais oui. Alors bon, alors par contre, j'aurais préféré qu'elle fasse l'Eurovision à l'époque de Turnover, là, clairement. Hein, parce que bon, à un moment donné... Ça chante moins bien. L'année prochaine, on aura Patrick Bruel, on me dit que ça c'est possible. Non, je rappelle que pour l'an prochain, Patrick Fiori a déjà dit qu'il faisait l'Eurovision pour l'Arménie. Placez-vous là-dessus. Et je rappelle qu'on attend le retour de Monaco pour qu'ils envoient Charles Leclerc. ça, c'est très important. Donc voilà, écoutez, c'était notre intermède. Puisque ce week-end, il y avait également de la NASCAR, mesdames, messieurs. Et alors là... Oui. Là, on n'est pas peu fiers de pouvoir vous le dire. La victoire de Michael Jordan. Ça fait 4. La quatrième victoire de Tyler Reddick cette année. C'est prodigieux ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est incroyable. Quel nulos, incapable d'enchaîner 4 oui, c'est ça, il fait que 4 victoires en 6 courses. L'an dernier, Palou, il a fait 5 sur 6. Hein. Donc, hein, poupougne. Mais voilà. Effectivement, Tyler Reddick, de nouveau gagné. C'est qui Michael Jordan? Mais si, enfin, le 24. Eh oui, le 24. Oui, c'est vrai, ça. Et oui, malheureusement, il faut avoir été devant le Racing Café depuis très longtemps pour les avoir maintenant. Là, c'est assez terrible. C'est l'acteur de Space Jam. LeBron James, je suis perdu. Je tiens à vous le dire, je le rappelle, hein, je l'ai regardé, hein, Space Jam 2. Ah, oh là. J'ai tenu 6 minutes. Ah oui, d'accord, merci. J'ai tenu 6 minutes, j'ai fait, allez, merci, au revoir, c'était de la grosse merde. Tyler est dit comme Nick Rivers, arrêtez. Thibaut, alors oui Thibaut, rassure-toi, il a fait un three-peat comme Michael Jordan. Il a gagné les 3 premières courses de la saison, Reddick, tout simplement. Voilà, je n'ai pas fait chier. Mais Tyler Reddick, c'était quand même assez... assez fabuleux, on dit les meilleurs à l'Eurovision, c'était Telex. Groupe belge, ça, mesdames et messieurs. 1980, ils ont fait une chanson qui s'appelait Eurovision. Et ils l'ont chanté à l'Eurovision. Leur objectif était de finir dernier. Le Portugal leur a donné 10 points. Je sais toujours pas pourquoi. C'était très compliqué. J'ai osé commencer Space Jam 2. Excuse-moi, voilà, bon... pour ma défense, c'était dans l'avion. Voilà. Je vais pas vous le cacher, quand vous regardez la liste des films dans l'avion, bah non, oui, bon, bah voilà, écoutez, je vais regarder le seul truc qui me dit quelque chose. Bon, voilà. Bon, bah après, j'ai recherché un autre film. Hein, voilà, Comme Die Hard, c'est une trilogie, point. Il n'existe pas d'autre. Ah oui, non, parce que je commence à me dire, mais comment ça, c'est une trilogie Space Jam Ils sont en train de tourner le troisième avec Wemby ou quoi? Je suis perdu. Il y a des suites qui n'existent pas, comme Terminator, il n'y a que 2 films. Non, mais je sais bien. Les Bronzés. Il n'y en a que 2. Voilà, c'est pas... Les bas parallèles, tu l'as vu, le Bronzé 3? Oui, et au cinéma, monsieur. Eh oui, monsieur. Comme Indiana Jones, c'est une trilogie. Oui. Je me suis dit, je regarderai Eurovision quand ce sera Titi Super qui apprend à la France. Je pense que tu aurais pu regarder en 2007. Ça a failli être Les Vents Passent. Enfin, failli. Putain, je me souviens de ça. failli, il faut le dire vite, hein, mais allez sur YouTube. Quand tu vas aller sur YouTube, les Vampasses ont fait une chanson qui s'appelle Faut voter pour nous. Il y a la prestation live sur YouTube. C'est présenté par Tex et Julien Lepers. Voilà, je pense avoir dit suffisamment de termes pour que vous alliez voir tout ça sans coup férir. Hein, voilà. C'est comme Rocky 3, j'aurais tellement aimé qu'ils fassent Rocky 3-2. Hein, pas confondre avec Mickey 3D qui n'a rien à voir. Hein, pour le coup, c'est vraiment plus pareil. Mais voilà, franchement, il y avait. C'est vraiment voilà. Regardez, voilà, je vais regarder ça, les beaux clés ont été annoncés. Voilà, mais regardez, la sélection 2007, voilà, il y avait un groupe qui s'appelait, je crois, Les Vedettes, qui chantait une chanson qui s'appelait Papa est mort. C'est tout ça, hein, tout un pan de l'histoire où on se dit, mais pourquoi on n'a pas gagné? C'est vraiment, on mettait pourtant toutes les chances de notre côté. C'est un peu, je pense que la France Eurovision, c'est un peu comme Yamaha en ce moment en AutoGP, ils se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? On fait tout bien pourtant. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Là, je suis choqué. On dit après, on a envoyé Moustache à l'Eurovision. Oui, bah écoutez, oui. Bon, ils s'appelaient Twin Twin, ils ont fait 2 points. Je vois pas le. Oui, enfin voilà. Pour moi, il y avait pas de souci. On a fait 1 point par Twin. J'étais très content. Et voilà, et Valkyria qui dit France Eurovision 2010, c'était à chier aussi. Voilà, mesdames, messieurs, je vous le dis, des takes désastreuses, en veux-tu, en voilà, avis désastreux, mon ref, voilà, Jesse Matador, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de paroles, mais c'est génial, voilà. Je rappelle que dans les paroles, il y avait tout le monde, dame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame. Droit d'auteur. Inspiration Edith Piaf. Hein, Imagine le mec qui a écrit les badames et qui s'est dit, ah par contre, ah, je prends 20% à chaque badame. Hein. Voilà. C'est Patrick Hernandez, hein, le gars. Hein. Donc c'était assez fabuleux, cette affaire. Dire qu'on a envoyé Sébastien Tellier et que ça s'est mal passé, la France est condamnée. Si Sébastien Tellier n'était pas arrivé à moitié bourré sur scène et qu'il n'avait pas eu l'idée de prendre un ballon rempli d'hélium, peut-être qu'on aurait fait mieux. Voilà. Hein. Mais bon, ça, écoutez, ça fait une sacrée corrida si Jesse Matador. Bon, on va passer au craquito. Hein. Je pense qu'on fera pas mieux. On fera pas mieux, ça c'est assez clair. Oui, Michael sur YouTube a raison. C'est vrai qu'en termes de droit d'auteur... Oui. La chanson ça, dont les paroles font là, à un moment donné, oui, I'm a skateman, oui, là effectivement on fait pas mieux là, voilà, c'est... mais oui Thibaut, la voiturette de golf, les choristes qui étaient des femmes à barbe, c'était fabuleux. France Eurovision 2008, allez voir ça. Encore une fois, voilà, moi je vous ai toujours dit, il y a des mots-clés à placer. On a mis Tex, on a mis Julien Lepers. Il y a Sébastien Tellier. Alors, là, par exemple aussi, normalement, vous retrouvez sur YouTube la version France 3 de la chanson de Sébastien Tellier. C'était commenté par Julien Lepers et Jean-Paul Gaultier. Je refous des mots-clés. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, je remets des pièces dans la machine. Jean-Paul Gaultier qui dit « Allez, c'est à lui, c'est parti, Sébastien Tellier !» Donc voilà, moi, à un moment donné, quand il ne connaît même pas les noms des gars, je suis là, c'est franchement fabuleux. Sa femme est Miss France contre Xani. Bah oui, Sylvie, évidemment. Sylvie Tellier, il faut la voir. Hein. C'est technique, bien évidemment. Allez, à faire les craquitos. Hein, parce que là... parce que sinon, je vais me renvoyer en entier la prestation de Michel Delpech et Bigali, et ça va pas le faire. Donc voilà. 2006, Dracata, attention. Nous sommes des grammars nazis de l'Eurovision ici. Attention, il faut mettre les bonnes années. Allez, craquitos. Madame, monsieur, bonjour. Peut-être faire que je le change, je jingle les craquitos, parce que la tête d'Alonso, à un moment donné, ça va. ça va être compliqué. Il est plus trop craquito, lui, hier, quand même. Hein. Là, c'est un craquito, c'est les craquitos du week-end. Hein. Tout va bien, vous en faites pas, c'est super. Hein. Je conduis. Hein. Quels sont les tiens, mon cher Axel? Alors, pour moi, j'en ai 3. Oh. Le premier, je l'ai attribué à Aprilia, hein, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout de même, avec leur excellent week-end. Le deuxième, c'est pour Camden McLellan. Alors, qui est Camden McLellan? C'est un pilote sud-africain. Ah, un acteur de NCIS, c'est ça? Je croyais qu'il était demi-mêlé au Saracens, donc je vais te dire, franchement... j'ai vu jouer dans NCIS, moi, c'est... Pilote sud-africain en MX2 qui a gagné ce week-end. Donc il gagne son premier Grand Prix, première victoire pour Triumph en catégorie MX2 devant Simon Lagenfelder, donc le champion en titre avec la KTM. Il a fait un week-end très solide, donc il mérite vraiment ce craquito parce que je pensais que Lagenfelder allait un peu rouler sur tout le monde. Et depuis le début de la saison, bah, en fait, non, les Triumph sont vraiment très bien entre bah, justement McLellan et je cherche Guillaume Farès, voilà. Ils sont vraiment très très forts depuis le début de saison. Et mon troisième pour Luca Kuhn. Romelu Luca Kuhn, évidemment. qui a survolé la Manche MXGP en gagnant la course qualificative le samedi, en gagnant les deux manches en MXGP. Il reprend la tête du championnat à Erlings, alors qu'il était un petit peu invisible sur le premier Grand Prix. Là, le deuxième, il a survolé tout le monde. On a eu aussi une grosse chute hein, de Fèvre. Il fait deuxième en première manche, en deuxième il abandonne, il tombe et il prend le guidon dans le ventre. Ça lui a coupé la respiration, ça l'a séché et donc à cause de ça il n'a pas fini la manche. Donc voilà mes petits craquitos. On a pu caler un petit peu de motocross quand même. Mais oui, mais c'est important. Alors par contre, t'aurais pu en mettre un à Simon Lagenfelder parce que quand même, faire ce qu'il fait à moto, alors qu'en plus, il a certainement gagné un petit globe de biathlon la semaine dernière parce qu'il y a totalement un blaze pour faire du biathlon. Franchement, voilà. Je dis Arnaud qui est séché, un mot qu'on n'aurait pas aimé Isabelle Mergo. Il a été séché. Non, vous avez vu, c'est très compliqué. On a dit qu'on respectait. Mesdames, messieurs. Non, mais elle avait fait une vanne un jour qui m'avait. Enfin, une vanne. Elle avait dit un truc qui était très drôle. Elle dit ah, moi, j'adore les animaux, surtout les canins. Je dis mais comment ça, qu'est-ce que tu racontes, les canins? Elle dit mais tu crois franchement que je vais dire chien? Et elle avait raison, mesdames, messieurs, c'est important. Le G, quels sont tes craquitos? Parce que oui, alors du coup, il les a déjà, mais. Enfin, à part Bruno Dagen. Mais... Oui. Oui, à part Bruno Dagen qui est hors compétition. Non, j'en mets un quand même, parce que nous n'étions pas là la semaine dernière, mais je tiens quand même à mettre un à Katsuta pour sa première victoire en WRC. Et j'en mets un autre à 3. Qui s'est imposé 7-0 sur le terrain de Bolène. Oh là là, bah là c'est une. C'est une branlée, là. Je suis désolé, mais à un moment donné. Et car on y est, mesdames, messieurs, c'est le moment, c'est l'instant. Le motoball qui continue évidemment de continuer. Oh, c'est bien celle-là. Ça, c'est de la transition qui transite. Ça, c'est pas mal. Ça, on est très content. Mais effectivement, le Summa 3 qui a collé 7-0 à Bolène en amical, fort heureusement. Donc voilà, mais ils ont par contre survolé le tournoi de Bolène puisqu'ils ont gagné 6-2 contre Carpentras hein. Donc 3 qui est sur une très très bonne forme, mais on salue le... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce nom les gars? Alors Oh putain, c'est des Alsaciens je suis sûr hein. Là c'est pas c'est des Alsaciens ou des Chinois là, je veux dire là, ouais, on salue le MSC Typhoon Morsch. Le logo est exceptionnel. C'est une tornade, hein, littéralement. Le MSC Typhoon Morsch qui a collé 10-1 au MSC au MBC Robion. Donc là, à un moment donné, c'est innommable ce qui est en train de se passer. Là. Robion, le logo, c'est littéralement un word art. Ah oui, ils sont pas fait chier. Hein. Mais attends, le MSC Typhoon Morsch, là, mais c'est qui ces gens là? Qui sont ces... Oh putain, non, là par contre, là c'est pas bien. Non, là je suis pas content. Non, non, parce que là, Robion s'est pris 10-1 contre une équipe allemande. Ça, non. Ça, je refuse. Le motoball doit rester une tradition française. Et donc là, mesdames, messieurs, vous êtes en train de vous dire attendez, ils font aussi du motoball en Allemagne. Évidemment. Qu'est-ce qui vous choque? Bien sûr. Ils sont en Bundesliga du motoball. Ben oui. Oui, Eugène Sacco-Malo. Et on refait le match. Encore une fois, hein, moi, à un moment donné, c'est bien gentil d'essayer de vous faire de vous faire comme ça des analyses de sport auto, mais en fait c'est absolument pas là où je suis bon, hein. Donc là c'est plus possible. Et effectivement, le Caillouteau, le championnat de France Elite 1 commence ce week-end avec un choc véritablement, le 28 mars, Bolène contre Neuville, 16h30, prenez vos places évidemment, c'est pas un truc caché fermé. Non mais je pense Gazou que c'est un guichet fermé par contre. Ah, ouais, les gens ils ont fermé les guichets, enfin juste le guichet est fermé. Mais tu peux rentrer à mon avis, tu te mets dans le champ à côté, tu pourras regarder le match sans aucun souci. Tu peux rentrer. Valkyrie qui dit sinon au football Monaco a perdu 1-2 face à Brentford en amical. En quoi? Pardon, mais on parle de vrai sport nous depuis tout à l'heure là. Qu'est-ce que c'est que ce football? Comme ça que ça se prononce? S'il vous plaît. Alors que les U18 de Troyes qui ont perdu 2-0 contre les U18 de Vougeot-Court en motoball, ça a de la gueule. Par contre, moi je suis désolé, on se fait battre par toutes les équipes allemandes. Parce que le Suma 3, qui a donc collé 7-0 à Bolène, bah, ils ont perdu 7-6 contre le Puma Kuppenheim. Ils ont un très joli logo. Non, on dirait un groupuscule d'extrême droite, leur logo. Kuppenheim ou Troyes? Kuppenheim. Ah, c'est certainement un groupuscule d'extrême droite. Hein. Faut pas. Oui, non, mais ça, tu sais, les choses peuvent être doubles. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi, je suis désolé, ça sent très mauvais pour la Ligue des champions de motoball, là. Si on se fait battre par les Allemands tous les week-ends, ça va pas le faire. Hein, parce que j'ose espérer qu'il y aura une Ligue des champions de motoball quand même. Hein. Parce que sinon, je serais excessivement déçu. Moi, mes craquitos, c'est la prédia, effectivement. Et Théophile Naël, meilleur temps du rookie test de la Formule 2. Voilà. Et oui. Bon, bah écoutez, on essaie de trouver les trucs. Hein. Et très bon pilote de Formule 3 aussi, Théophile Naël. Et je ne vous dirai pas la vanne que m'a faite Axel en hors antenne tout à l'heure, puisque tout ce qui est hors antenne reste évidemment hors antenne. Voilà. C'est important. Mais rien à voir avec Raël de la secte. Hein, ça, par contre, ça n'est absolument pas la même personne non plus. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur comment ça s'appelle là, sur X, anciennement Twitter. Oui, Norman Nato est encore là, Arnaud, mais pas en rookie test. Lui, il est pilote officiel de Formule 1. Alors, bim, bim, bim. Donc, on a dit en craquito Hamilton et Leclerc pour leur bataille en Chine. C'est vrai que c'était pas mal, ça. Ça, pour le coup, c'était bien. Ça s'est surtout bien fini. Ce qui n'était pas gagné. Craquito pour Max Verstappen, qui a littéralement éteint tout le monde sur Nordschleife. Eh oui. Enfin, moi, je suis désolé. Les hommes mentent, pas les chiffres. Max Verstappen, il est parti faire de la NLS et il a fini dernier. Surcoté, je pose la question. Des craquitos pour Katsuta et Jojo Zarco, pour Aprilia, pour Jojo Zarco qui survole les essais et en laisse un peu aux autres en course. Craquito pour Bezzeki, les trailers F1 de Canal+, parce que celui avec Mario Kart était très bien. Je reconnais qu'il est très bien fait. J'ai trouvé ça pas mal. Et merci à MMG, la team premier degré, et toujours de sortie, ça fait plaisir. Jojo Zarco, Antoine Félix Acosta, Mario Kart, Jojo Zarco. Un craquito d'encouragement pour le circuit de Goiânia, où il y a la station, c'est beau. Tu dois être le seul à avoir mis un craquito quand même pour le circuit, hein, donc chapeau. Bezzeki, Aprilia, D'Acosta, et la livrée de Racing Bull ce week-end, évidemment. Craquito pour Jojo Zarco, bien sûr, et pour Monsieur Formule Blabla. Lors de la dernière émission, ça a fait du bien par les temps qui courent d'entendre un peu de légèreté tout en étant très factuel. Merci, monsieur Formule Blabla. Insupportable, tu sais. Oh là là, en attendant, hein, peut-être des craquitos, mais enfin nous, on gagne nos procès. Alors, sur Blue Sky, le premier craquito sera déjà à toutes les personnes qui sont encore sur Blue Sky, hein, parce qu'il faut retenir le nom du site, hein, déjà. C'est pas fastoche. Oh là là, il y a des poches à douille, partie 1, partie 2. Oh là là, craquito, partie 1, partie 2. Oh, ça va être ami. Ça, arrêtez ça. Moi, je reconnais hein, ça. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir dire « Eh, moi, je suis désolé, mais sur Blue Sky, il y a eu 27 messages sous le post hein, ce week-end. » Bah oui, tu m'étonnes. Les mecs, ils en font 6 à chaque fois qu'ils mettent des craquitos et des merdolins. C'est facile. C'est beaucoup plus facile, cette affaire. Krakito, Antonelli, As pour avoir inventé la réparation au coupe-boulon. Russell qui laisse Kimi, Bono et Lewis ensemble pour la photo. Katsuta pour la victoire au Safari, la bande annonce de Canal. Verstappen, Gounod et Junkadella pour la pole sur la Orange Life. C'est très bien, voilà, c'est factuel. On fait la pole. Et As et Racing Bulls pour la livrée spéciale du Japon. Oui, parce que la livrée As, Godzilla, banger. Là, très très content. Krakito Antonelli, Stroll pour son message radio, Verstappen d'Acosta Reddick, Reddick, et puis voilà, mesdames, messieurs, on j'ai est... Oublié un Krakito. Comment, Gazou ? J'ai oublié un Krakito. Qui donc ? Il est exceptionnel, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est juste le tweet ou le post Insta de Michelin qui s'est foutu de la gueule du tarmac du Brésil, justement. Ah oui, qui a dit que le tarmac durait moins longtemps que les pneus. Ouais, ils ont dû supprimer, ils ont supprimé le truc. Moi, j'en ai un pour Danny Junkadella, en fait, je viens d'y penser, parce que vous l'avez tous vu, cette photo de Max Verstappen qui arrive sur la grille au Nürburgring, qui sort de la Mercedes et il y a à peu près 17 000 personnes autour. C'était Junkadella. Et il a raconté les coulisses sur Twitter. Il a dit, j'ai garé la voiture, je suis sorti, et là, j'ai entendu toute une foule faire, oh, c'est pas Max. Et ce moment-là, c'est fabuleux. Franchement, je pense que là, il a dû se dire, génial. Et donc, j'espère de tout cœur que c'est lui qui amènera la voiture sur la grille aux 24 heures du Mans, et que les gens se mettront autour et feront, oh, c'est Junkadella. Je pense que ça peut devenir un... Ça peut devenir quelque chose de très régulier avec lui, et il le prendrait avec pas mal d'humour, bien entendu. Allez, mettons les news de ce week-end, c'est parti. Bon, parce qu'avec tout ça, Max Verstappen, bah, il a roulé, hein. Il a roulé le dernier week-end, il a roulé cette semaine déjà, bref, le monsieur n'en peut plus, hein, voilà. Mais donc, il était présent la semaine dernière à la deuxième manche des NLS, qui était en fait la première, parce que la première a été annulée parce qu'il neigeait. Ça va, hein. Petite nature. Moi, de mon époque, ça roulait peu importe le temps qu'il faisait. Voilà, évidemment. Ce sont tous des pleutres. Vous connaissez la rengaine, il n'y a pas de souci. Mais donc, il a fait les NLS 2, il a fait la pole en collant 2 secondes à tout le monde. Ce que j'aime toujours beaucoup, c'est que les gens te disent « Oui, mais c'est pas les 24 heures du Nürburgring, il a roulé contre des peintres. » Non. Il y avait Jordan Pepper, il y a Denner, il y a quelques bons pilotes quand même à côté. Alors effectivement, le fait qu'il ait avec lui Gounod et Junkadella et pas en face de lui, ça a peu aidé. Ça, je ne conteste pas. Mais donc, il fait la pole et ils ont gagné la course. Avant de se faire disqualifier parce que Winward ne s'est pas compté, visiblement. Puisqu'ils avaient le droit à 6 trains de pneus, ils en ont mis 7. Mmh. Ah, c'est ballot. Heureusement. C'est ballot. Mais bon, il s'amusait. Et là, hier, il s'est dit, bah, je vais rouler avec une super GT au Japon. Et donc, il a roulé à Fuji avec une Nissan. Pourquoi pas? Mais moi, il y a une marque à laquelle je pense particulièrement en voyant tout ça. C'est Ford. Parce qu'il est bien gentil, Verstappen, de faire à peu près 47 choses en dehors de la F1. Mais il fait jamais ça avec des Ford. Ce qui est quand même assez fabuleux. Max, il joue automobiliste, mais il est en IRL, mais c'est ça. Mais il teste à peu près. Verstappen, il fait des pubs de Maboule à toutes les marques qui existent. Et à côté de ça, t'as Ford qui fait hey, il a notre moteur, hein, ça. Il a notre moteur, c'est cool. Hein. Ouais. Et là, ce à quoi il répond, il dit ah oui, votre grosse merde, là, dans ces voitures de merde, avec cette F1 de merde. Alors que, ouais, je crois que même sa team officielle Redline, là, rebaptisé Verstappen Racing, je crois. Oui. Et même là-dessus, il roule en BMW, je crois. Ah oui, non, mais de toute façon, non, mais Gazou, de toute façon, il roule l'an dernier en GT World, Verstappen.com roulait en Aston Martin, là, il roule en Mercedes. À un moment donné, il ne prend jamais la Mustang. Alors qu'il aurait pu prendre. C'est pas en Ferrari qui roulait ? Comment ? C'est pas en Ferrari qui roulait ? Non, il a roulé en Ferrari sur la Nordschleife, mais en GT World Challenge, il avait une Aston. Oh, c'est compliqué. C'est vraiment l'autre, il vient, il dit bonjour, j'ai des contrats avec 19 marques de voitures différentes. Toutes sauf Ford. Parce que c'est lui. C'est lui qui va engager la Twingo aussi. Hein. Finalement, ils vont lui céder l'autorisation. Après, il se balade à Monaco en Topolino. Donc, bon, tout va bien. En comment ? En Topolino. En gelato ? En merdolino. Non, mais elle est très bien en plus, la Topolino, franchement. Moi, j'adore. Les Citroën Ami et Topolino, je trouve ça génial. Hein. Moi, je suis désolé. Voilà, Enfin. Je trouve ça génial tant que c'est les autres. Si demain vous venez, tu me dis, tiens, Michael, on t'a offert une Citroën Ami, je vous mets un point dans la gueule. Voilà. Exactement, Mathieu. Si jamais il va en NASCAR, Verstappen, ce sera évidemment avec une Chevrolet ou avec une Toyota. Mais certainement pas avec une Ford. Hein. Ce serait assez fabuleux. Topolino comme le nom de Mickey Mouse en italien, oui. Et alors là, Dracatala. Parce que je, franchement, pour avoir le fait que oui, Mickey s'appelle Topolino en Italie, ça se dit chapeau. Et même en Croatie. Parce que moi, j'ai appris le nom italien quand j'étais en Croatie et que j'ai vu un Mickey que j'ai voulu. J'ai quand même con comme une valise, hein, du Forest. Hein. J'ai failli acheter donc un Topolino, hein, une BD de Mickey. Je me suis dit oui, parce que finalement, ne sachant pas parler croate, rien de mieux qu'une bande dessinée écrite en croate pour ne pas la lire finalement. Mais du coup, Topolino qui annoncerait les résultats du Grand Prix de Saint-Marin 94, ça donnerait quoi? Ayrton Senna, quel challenge! Comment on dit il est mort? Mais c'est compliqué cette affaire, s'il vous plaît. Capote. Hein, Non, ça c'est Mickey Mouse en allemand. Il s'appelle comment Mickey en allemand d'ailleurs? Ah, oula, bah, un mot avec 27 lettres peut-être. Je sais oui. Pas du tout. Oui. Ils ont pas gardé Mickey? Oh, il s'appelle Mickey Mouse. Ouais, voilà. Mais Mouse en allemand. Voilà. Et finalement, maintenant, est-ce qu'on n'irait pas aller regarder tous les noms de Mickey à travers le monde? Voilà. Attends, en brésilien, ça doit être quelque chose. Ayrton Senna, ils sont pas fait chier à un moment donné. Non, mais c'est un nom de Mickey à travers le monde. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les Allemands qui l'ont changé. En brésilien, à Casa do Mickey. Alors, eux qui disent Mickey sourit au Québec. Non, Michel sourit. Michel sourit, clairement, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais donc, Mickey Mouse. Putain, en espagnol. En espagnol, c'est exceptionnel. Parce que, donc, on rappelle, hein, donc, voilà, bon, Topolino, c'est rigolo. Tous les autres, c'est des trucs à base de Mickey Mouse, Mickey, machin. Mais alors, en espagnol, mesdames, messieurs. El ratón Miguelito. Exceptionnel, moi je suis désolé, exceptionnel. Et sachez qu'il y a même le nom de Mickey en latin. Michael Musculus. Musculus. Musculus. En suédois, il s'appelle Monsieur Pig. Non, mais ils ont rien compris. Ah oui, non, ils sont pas dedans. Là. J'espère que Peppa Pig s'appelle Peppa Mouse, comme ça on est vraiment paumé, tu vois. C'est absolument invitable. En polonais, évidemment, Miska Mickey avec Miska M-Y-S-Z-K-A, parce que bon, hein, c'est imbitable, bien sûr. Mais voilà. C'est terrible. Et oui, Alcaillouteux, en parlant de Mickey, c'est la fin du journal de Mickey et de Super Picsou Géant. Ah bon? Ils ont perdu la licence de Disney. Ah d'accord. Ce qu'ils disaient, et du coup, personne ne l'a récupéré. Donc voilà, je suis très déçu là-dessus. Alors, mesdames, messieurs, sachez que en italien, parce que bon, maintenant qu'on a Topolino, on va tous les faire, hein. Voilà, Donald, il s'appelle Paperino. Daisy, bah Paperina, du coup, hein, c'est pas très compliqué. Miska Mouse, Mickey. Riri, Fifi et Loulou, il s'appelle Kiko et K. Ça, j'aime beaucoup. Et Dingo, il s'appelle Pipo. Voilà. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Et en néerlandais, Riri, Fifi et Loulou, c'est Quick, Quack et Quack. Voilà. Ah non, ça, tu confonds. C'est quand tu parles. C'est dans... comment il s'appelle? C'est dans Cusco, ça, c'est quand tu parles écureuil. Squeak, squeak, squeak. Attends, mais, attendez, j'y pense. Tic et Tac, doit y avoir des noms incroyables aussi. Parce que je rappelle que le nom en anglais, c'est Chip and Dale. Hein. Qui est un jeu de mots exceptionnel, évidemment. Tic et Tac, Tic et Tac, Tic et Tac. Top 8 des personnages de Disney qui changent de nom d'un pays à l'autre, évidemment. En anglais, c'est TikTok. C'est vrai? Ah, c'est en anglais du Romy? Oui, oui. Il s'appelle TikTok, putain. Alors, attends. Je l'ai en albanais, TikTok. En allemand, TikTok. TikTok. En anglais, TikTok. J'ai le basque, j'ai le biélorusse, mais je ne pourrais pas vous prononcer. Globalement, c'est TikTok à peu près dans toutes les langues, à part... Ah, en finnois, Tikitaki. Non, le Tikitaki. Mais ça, évidemment, mais cher, bien sûr. À Pep Guardioli, du coup, évidemment. Sachez qu'en espagnol, Picsou s'appelle Rico McPato. Ça n'a ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. Et que Dingo en portugais s'appelle Pateta. Voilà. Donc démerdez-vous avec tout ça. En Suisse, flic et flac. Non, ça c'est la montre qu'avait... avec Gazou. Il avait une ticket-tac du coup. Alors oui, par contre, okay. Mathieu, oui, Rico McPato, franchement, il a tourné dans des films pas... pas à mettre entre toutes les mains, si vous voulez. Hein. Clairement, clairement, c'est compliqué. Hein. Ah, j'ai mal au joues. Ah, là, là, bon, c'est... Il y en a qui ont dit pareil après le passage de Rico McPato, je peux te le garantir. Ah, c'était pas ma meilleure celle-là. Les news pour auto les plus complètes depuis longtemps. Merci à vous, tout à fait, Marie-Jean Balek. Opel remplace EDS en Formule E. Incroyable. Voilà, mais si tu veux, le problème, c'est que voilà, là, on vous donne une information sport automobile et on peut pas aller plus loin. Alors que les noms de Mickey et tout, ça va. On peut aller plus loin. Et alors, ce week-end, il y a une modification sur la restitution d'énergie en qualif F1 en Suzuka. Je n'ai rien bité. À un moment donné... Non, non, mais j'ai rien compris. Le 2-9, c'est 8. Voilà. C'est toujours des méga joules. Ce qu'il y a derrière. Non, par contre, j'ai lu un article extrêmement intéressant de The Race qui explique... très précisément pourquoi les tours de qualif sont désastreux cette année. Mais parce que par exemple, vous vous souvenez, Leclerc en Chine, il fait deux premiers secteurs qui sont top. Oui. Et puis en ligne droite, il perd genre 5 dixièmes. Et en fait, ils ont expliqué. C'est que normalement, quand tu fais un tour de qualif, t'es à fond. Donc des fois, tu vas avoir une petite dérobade du train arrière parce que tu attaques. Donc tu la contrôles en contrebraquant, en relevant un peu le pied de l'accélérateur, machin, tout ça. Tu fais vivre ta voiture. Sauf que là, comme tous les tous les déploiements d'énergie sont faits par software et qu'il y a plein de trucs assez habitables, en gros, le déploiement de l'énergie se fait par phase. La phase commençant une fois que tu mets l'accélérateur à 100% et se termine quand tu freines pour le virage suivant, ainsi de suite. Tu as toutes ces phases qui sont calculées tout au long du circuit. Sauf que dès que ton accélérateur descend en dessous de 98%, ça arrête ta phase. C'est ça. Et Leclerc, dans la grande chicane, il fait une erreur. Il baisse son accélérateur à 95%. Et donc, le truc se reset. Donc, dans la petite ligne droite avant le virage à gauche qui précède le grand droite, eh ben le moteur lui donne toute la puissance. Mais du coup, ben il n'en avait plus assez pour la grande ligne droite derrière parce qu'il avait relevé légèrement le pied. Et Ocon s'est fait avoir de la même manière parce que son accélérateur est tombé à 97% sur une petite erreur qu'il fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en qualif, il vaut mieux faire des tours solides, pas prendre de risques et t'assurer de pied au plancher dès que tu peux l'être, pour que le software déploie à chaque fois l'énergie comme il faut. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les Formule 1, désormais, doivent être sur des rails. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller chercher le petit dixième qui manque au risque de te taper une dérobade, parce que si tu fais glisser le train arrière, t'es mort. Voilà. Tu te retrouves... C'est comme si ton moteur déjaugeait, en fait, était cuit. En fait, le seul virage où t'as le droit... du coup, de retirer un peu le pied de l'accélérateur, enfin de tenir une petite faute, c'est celui qui précède la plus longue ligne droite du circuit, où de toute façon, tu allais déployer toute ton énergie. Mais sinon, enfin, c'est... Et j'ai lu le truc, et c'est... Honnêtement, vous allez voir sur The Race, c'est complexe. Alors, pas dans le sens, c'est compliqué à comprendre, mais c'est juste, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais c'est là où tu te rends compte que on est peut-être allé un peu loin quand même. Je reconnais que là, oui. Bon, ça c'est difficile. Et Michael, on n'a fait que l'Australie et la Chine qui ne sont pas des circuits si compliqués que ça. Oh, pour, l'Australie, c'est un des pires en énergie quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de trajectoire, ah oui, oui, on pas, hormis le virage 10 qui est touchy, on l'a vu, oui. Mais sinon, tu n'as pas des changements de cap, tu n'as pas des pif-paf, tu n'as pas des, oui, des virages serrés, des épais, tu n'as pas des trucs très chiants qui vont t'amener à faire des plats où les pilotes peuvent se louper, où justement ta pédale d'accélérateur redescend et tu peux relancer. Avant, c'était possible, maintenant, ça ne l'est plus. Donc, on n'a pas vu encore toutes les configurations des circuits les plus compliqués. Imagine Monaco. Ah, mais ça va être hilarant, ça, à Monaco. Quand les mecs, ils vont avoir d'un coup 1000 bois entre la chicane et le... entre la chicane et le tabac parce qu'ils auront fait une erreur, ça va être merveilleux, les mecs ils vont dire ouais, oula, eh ben, ça va leur faire bizarre hein. On va se calmer, enfin déjà ce week-end ça va être drôle entre guillemets, parce que du coup la transition merveilleuse dans le programme du week-end, puisque donc ce week-end il y a évidemment le Grand Prix du Japon à Suzuka. Ils auront le droit à l'aéroactive avant le 130R. Ah, ils ont rallongé la... ils ont rallongé le... ils l'ont modifié. Non, il a deux zones. Il y a une droite des stands et il y a une droite avant le 130R. Ah oui, mais ça se referme avant le 130R. Ah, heureusement. Oui, ça se referme. Enfin, ça se referme avant. Si Jack Doohan, comme Jack Doohan n'est pas là, oui. Mais sinon. Ben, logiquement. Alors, attends, c'est eux qui le font. Oui, mais ils vont le fermer avant le 130R. Donc ça va être non, ça va être fabuleux cette affaire, hein. mais ça va être non, ça va être très très bien. Oscar Piastri va-t-il faire un tour en course ce week-end? C'est la très bonne question d'El Cayuto. Je rappelle qu'actuellement nous avons ici tous fait autant de tours qu'Oscar Piastri en Grand Prix cette année, ce qui est pas mal, hein. Et on a marqué autant de points qu'Aston Martin. Donc, franchement. Par contre, ne soyons pas médisants avec Aston Martin, qui a quand même bouclé beaucoup plus de tours en Grand Prix que McLaren. Oui, tout à fait. Et Jack Crawford, qui va faire les essais libres cette nuit, il a fait des centaines de tours déjà dans le simulateur. Mais au moins, le simulateur marche. Ce qui est déjà pas mal. Et alors, qui du simulateur ou de la MR26 rebondit le plus? Ça, suspense. Par contre, Fernando Alonso arrive au Japon dans la nuit, là, puisque il est papa désormais. Ça y est. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque, rappelez-vous, l'adage, hein, quand tu deviens papa, tu perds 3 dixièmes, ce qui va lui permettre d'être collé au cul des McLaren ce week-end. Ça sera 3 dixièmes des McLaren, c'est parfait. Ça sera exceptionnel, évidemment. Ils ont désactivé les vérins sur le simulateur, t'imagines. Oh, le mec qui rentre dans le simu, là. Oh, mais merde, non, mais c'est pas possible. Alors oui, vous... Quand vous roulez en Aston Martin et que vous n'êtes pas content, vous donnez François Cluzet, hein, globalement. Tu roules, mais enfin. C'est François Cluzet, mais au ralenti. Pas en ralenti, est-ce que vous avez vu ces reels Instagram qui n'arrêtent pas de tomber dans mon truc? Le mec qui fait des imitations, qui imite puis en 0,5, en 0,25, en x2 et en x3. Non. Ah non, abominable. Ah, j'en peux plus. Il te fait une phrase. Et vraiment, il te fait la phrase, puis il fait... Et puis il fait la même comme ça en 0,5. Puis en 0,25. Puis en fois 2. C'est nul à chier. Mais c'est très drôle quand même. Mais c'est très mauvais. Enfin, il fait Mbappé, il l'a. Et ensuite, il a fait Finkielkraut, mais avec la voix d'Mbappé. Donc c'est moins, hein, voilà, c'est moins bien, hein, globalement, c'est moins dans le ton, quoi. Il y a le Grand Prix des États-Unis de MotoGP ce week-end, qui est désormais le Grand Prix des États-Unis. Et plus le Grand Prix des Amériques. Attention, c'est important. Du côté de Steen. L'IndyCar, quatrième course du mois de mars, mesdames, messieurs, on y croit, on se bat, c'est un excellent début de saison sur le circuit Barber, et la NASCAR à Martinsville, qui est le plus petit circuit de la saison et qui est surnommé le trombone, puisqu'il ressemble à un trombone. Et je parle là, évidemment, de l'instrument de bureau et non pas de l'instrument musical. Hein, parce que essayer de faire un circuit ovale qui ressemble à un trombone où on fait... Très compliqué. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il raconte, James Pius, là ? Un tourvolage près d'une pie passe la foi était fort sage et ne le a pas pas, moralité. Quel beau morceau que la pie n'a pas pas. Elle est bien, je l'aime bien celle-là. J'aime bien. Est-ce que Patrick Sébastien a un avis ? Tu l'as vu, ma bite ? Parce que je tiens à rappeler qu'on a également eu évidemment ce grand moment, on n'a pas pu le débriefer, mais on a eu ce grand moment de télévision avec le complément d'enquête consacré à Patrick Sébastien, où il a effectivement lâché cette phrase. Bah alors, tu l'as vu, ma bite ? Marie-Chambellec, il y a un clash IndyCar et MotoGP ? Non ! Parce que l'IndyCar commence à 19h30 et le MotoGP à 22h. Donc c'est très bien. Ouais. Vous pourrez basculer de l'un à l'autre. Ce sera assez, assez fabuleux. Une religieuse démembrée est un tronc de bonne. Avec le trombone. Oh putain, elle est... Oh, oh la vache. Ah, vous êtes en forme ce soir. J'aime beaucoup ça. J'apprécie énormément. Allez, terminons, mesdames, messieurs. Mais en mettons des merdolins, c'est parti. On prend la manche, on prend les couilles, ça fait la manche à couilles. Les poches à douilles cette semaine, alors regardons donc, qu'est-ce que vous nous avez dit sur X anciennement Twitter, y aura-t-il des votes ? Ça c'est la grande question. Alors, Verstappen pour son comportement avec un journaliste du Guardian, oui, c'est le fameux journaliste où il a dit « tant qu'il est encore là, je commence pas ma conférence », donc il s'est barré. Voilà, enfin, le monsieur s'est barré, hein, du coup, et Verstappen a pu commencer. Toto Wolff avec son melon interstellaire et ses poses ridicules qui participent à la campagne de merchandising de Mercedes. Je suis pas peu fier, hein, parce qu'à un moment donné, hein, tous les... Ah, regardez, Mercedes dépasse. Oh, c'est bon, quoi. Oh, l'autre, c'est devenu Jim dans The Office. C'est moins malin en 2021, 22, 23, 24 et 25, bien évidemment. Merdolino, je vais pas le citer celui de Rami Yamar sur X anciennement Twitter, mais vous irez le voir. Hein, voilà, oulala, c'est touchy. Un merdolin pour le circuit du Brésil en MotoGP, pareil. Ah, Verstappen pour son comportement envers un journaliste, donc vous avez le droit pour l'instant entre le Brésil et Verstappen, le Madring pour ses retards dans le travaux. Ah, ça, je suis... Alors, on va le mettre, hein, si plusieurs le proposent, mais ça va, le Grand Prix dans 6 mois, il commence à mettre le tarmac, je suis pas... Enfin, je tombe pas entièrement de ma chaise. Vous avez oublié Jeddah. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Jeddah, il est pas encore fait, limite. Hein, donc c'est... Jeddah, non, ils ont littéralement posé... des rails ou pas, le jeudi. Hein. Et ils ont fait un... Je crois que c'était le mercredi, le jeudi, ils posaient encore, et ils ont vite fait... Et alors qu'il était déjà homologué, qu'il continue à poser des rails. Après. Bah oui, non mais alors, par contre, puis, je rappelle que le Madring est un circuit urbain. Donc un circuit urbain, ça se fait en dernière minute. Voilà. Alors effectivement, vous allez me dire... Comment jouer sur les mots? Tu dis que c'est un urbain Ah, vous allez me dire, Michael, c'est quand même prodigieux de faire un circuit en ville sur lequel ils sont en train de faire entièrement le tracé. Peut-être, mais c'est ça les villes modernes, mesdames, messieurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. À l'époque, oui, oh bah oui, Monaco, c'est un circuit en ville, on prend les mêmes routes que les gens normaux. Eh bien, maintenant, c'est terminé. On fait un circuit en ville qui est la même chose qu'un circuit permanent, mais avec des murs. Franchement, à Spa-Francorchamps, ils sont très cons, hein. D'avoir fait « Oh, regardez, on a élargi le dégagement au radio, machin, je viens de foutre des murs de chaque côté. » Ils disaient que c'était un urbain. Et c'est voilà, bon. Circuit urbain, machin, on disait « Bah super, c'est homologué, aucun problème. » Voilà, donc... D'ailleurs, je rappelle que évidemment que le circuit de Qiddiya, là, en Arabie Saoudite, sera évidemment considéré comme un urbain, hein. Les fameux circuits urbains avec des virages à 85 mètres du sol et tout. Enfin, voilà, les fameux circuits urbains. C'est exactement genre avec un circuit urbain dans les Ardennes. Hein, la plus grande ville dans le coin est de 200 000 habitants, mais c'est pas grave. Tout va très bien. À quand faire le circuit de Spa entre des spas ? Je dirais que le circuit de Spa entre des spas, c'est pas si tôt. Allez, moi, c'est tout pour moi. Et puis, si vous demandez encore qui c'est, bon, bah, niquez-vous. Hein, maintenant. Oh, d'ailleurs, hey, parlant de chanteurs, tout ça, parce qu'on a fait Big Eyes. Ah, j'ai cru en parlant de. De quoi ? De niquez-vous. Ah non, non, non, ça, s'il vous plaît, ça, c'est pour après 23h. Mais, en parlant de chanteurs qu'on avait paumé de vue, là, est-ce que vous avez vu qui a chanté l'hymne au Grand Prix du Brésil ? Gustavo Lima, et là vous allez me dire, mais Michael est en train de nous dire un nom là. Gustavo Lima, qui avait chanté. Ah oui. C'était lui. Et j'ai vu ça, je me disais, c'est merveilleux, écoutez, à un moment donné, voilà. Mais donc il n'a pas chanté ça, il a chanté juste l'hymne brésilien. Désolé, mais bon, voilà. Mais Michael est à deux doigts de nous faire la traîne sur Insta où tu vois chaque fois les petits dessins animés et les deux personnages. Jure t'es brésilien et il sort toutes des rêves en brésilien et il se met à chanter et tout. Juste qu'il est Gustavo Quartet à la limite, mais là ton Lima ça me dit rien. Ah non, mais le nom du gars personne l'avait retenu, mais moi je sais, encore une fois je comprends que tout le monde ne retienne pas, le cerveau humain ne peut retenir qu'une quantité limitée d'informations. Encore une fois, imaginez donc ce qui sort pour que ce genre d'infos reste. Non, parce que quand à un moment donné, il n'y aura que des infos à la con comme ça, mais que par contre, tout ce qui est code de carte bleue, date de mariage, date de naissance des enfants, nom des enfants aussi, hein, quand il y en aura, bien sûr, bah oui, bah, bon, faut voir, hein, on leur mettra des petites étiquettes. Hein. Quand tout ça restera pas, ce sera... Alors, évidemment, Karine Lima, hein, de M6 Kid, j'ai Adriana Lima, me dit Marie-Jean Balek. Vous aviez un peu des familles nombreuses où, avec beaucoup de cousins-cousines, où la grand-mère, elle passe en revue tous les noms des cousins-cousines avant de tomber sur le tien. Frère, j'ai une famille croate. Il n'y a pas un jour où je ne découvre pas un membre de la famille. C'est exceptionnel. Son arbre généalogique, c'est le réseau web. Ah non, mais c'est pas un arbre, hein, là, c'est la forêt amazonienne, le truc, hein. Et puis, c'est toujours des bonnes nouvelles, en plus. Hein. C'est soudainement, ma mère me dit « Ah, mais là !» La cousine du Canada, elle est morte. Je suis, ah bah d'accord. Alors bon, alors déjà, on va prendre des infos dans l'ordre déjà. Bon, il y a un décès dans la famille. Il y a une personne dans la famille, visiblement. On a une cousine qui est au Canada en plus. Pourquoi pas? Écoutez, au point où on en est. Donc voilà, c'est toujours. Voilà. Oui, tous les jours, je dois à mon petit. Ah, puis. Ah, il a du mal hein, en ce moment, lui. Lui? Mais c'est qui, lui? Voilà. C'est. Et sache que j'ai de la chance, hein, parce que la famille du côté de mon père, elle est corse. Alors j'ai cru que j'allais commencer à avoir un truc où j'aurais commencé à connaître l'intégralité de mon arbre généalogique à 92 ans à peu près. Hein. Alors oui, ce qui était effectivement. Alors après, je dis ça, mais peut-être qu'il y a plusieurs cousines du Canada aussi. Hein. Oh non, mais on n'est pas à l'abri. Hein. Ouh là là. Pff. Moi, je peux faire gérer dormir chez vous, mais que chez la famille. Je peux faire comme Antoine de Maximi. C'est un peu, j'irai dormir chez moi. C'est ça. Je suis Antoine de Maximi avec 12 caméras et je fais. Alors regardez, on va essayer de trouver ici un habitant chez qui. Oh bah ouais, tonton. Ah bah Gilles, bah c'est bon, j'ai trouvé où dormir, tout va bien. Ça sera fabuleux. Hein. Donc écoutez, c'était cette affaire. On dit Gustavo Menezes a eu le temps de faire l'IPRI et de chanter l'hymne brésilien. Mais Gustavo Menezes ne roule pas en Formule 2, Michael. Là, vous commencez à mélanger tout le monde, mesdames, messieurs. C'est compliqué. J'irai dormir chez moi, nouveau concept. En vrai, je pense que ça peut le faire. Hein. Je fais un live quand je rentre du bureau, en fait. Je rentre du bureau et je fais... Tu tapes à ta porte. Je rentre du bureau et je fais... Alors aujourd'hui, grand moment, on va aller dormir chez moi. Suivez-moi. Alors là, regardez, donc là, c'est Paris. Hein, là, c'est le métro, là, le train. Puis j'arrive et voilà. Je suis chez moi. Ah, c'était pas facile. Ah, mais bon, l'hospitalité de chez moi est toujours inégalée. Mais bon, voilà, désolé pour cet intermède Madrid et toute la clique, mais bon, c'était vos merdolines, c'est de votre faute, évidemment. La Mercedes au Nürburgring, Verstappen, le circuit de Goiânia, l'Indycar qui met une pénalité 2 semaines après la course, mais ne vous plaignez pas. En 2002, le vainqueur de l'Indy 500 était connu en juillet. Oui, la course a duré en mai. Qu'est-ce que vous nous embêtez ? DS et Stellantis, Verstappen, Sim Racing. Bon, pourquoi quoi un merdolino, ça c'est. Ça j'ai l'impression que c'est les merdolinos pour être différents. Il a le droit de faire une équipe de Sim Racing s'il veut. Alors on va eu zéro, je vais laisser Gazou la lire, hein, la vanne, hein, parce que là, je... Comme diraient les mecs de J+1, oh, je ris pas à ça, moi. Non, parce que là, là je peux pas, celle-là. Non, on l'a tellement faite, celle-là. Oh, ça va, oh, ça y est. Oh là là là là. Venez, venez, on est adultes, on l'a fait plus. Non, je déconne, l'hospitalité, elle a mon cul. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Après la phrase l'hospitalité de mon cul, il a donc fait ce bruit que vous avez entendu, qui était donc. Mais je ne sais pas pourquoi, il l'a fait en mimant une moto. tout me dépasse avec cette personne. Et El Kayoutou a raison. Pour rappel, je vous rappelle que le Maroc vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Qui s'est fini en janvier. Donc franchement, vous plaignez pas. Tout va bien. Et chez Blue Sky, qu'est-ce qu'ils ont là? Alors, Verstappen Racing, Ricky Stenhouse et sa livrée non vegan. Alors ça, j'avoue qu'elle me fait rire celle-là. Parce qu'ils ont une... En gros, il est sponsorisé par une marque de bacon et du coup, ils ont fait une livrée, on n'est pas vegan. Enfin, en fait, dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et puis je vais vous dire, dans un second temps, je n'ai pas souri. Parce qu'effectivement, à la base, c'est rigolo, mais on sait très bien qu'ils font ça uniquement pour faire plaisir à, aux cheveux blonds, là. Donc voilà, bon. Voilà, hein. Ça, c'est un peu le problème. Verstappen, le Madring, le speaker du Grand Prix de Chine. Oui. Qui a fait « And the winner, Kimi Räikkönen !» Encore une fois, Anthony, donc, il peut se dire que sa première victoire en F1 est un peu ruinée. Je rappelle que ça ne sera jamais pire que la première victoire en F1 d'Alan Jones, où il n'avait pas l'hymne australien en stock, et donc quelqu'un oui. de bourré est venu avec une trompette et a joué « Joyeux anniversaire ». J'imagine quand même, levez-vous pour l'hymne australien. Et t'as un mec qui arrive. C'est... Moi, j'achète, franchement, exceptionnel. Merdolino pour le circuit de Goiânia. Porsche Penske Motorsport. Et la FFSA. Pour... Oh oui, il y a du revivifier à la FFSA en ce moment, c'est assez compliqué. Et oui, et Joan Zarco pour sa première victoire n'avait pas la Marseillaise non plus. Mais il n'avait pas quelqu'un à la trompette qui a fait jouer l'anniversaire. Parce qu'en plus, je pense que Zarco, quelqu'un aurait fait ça, il l'aurait chanté joyeux anniversaire, je pense. Content comme il était, il aurait fait joyeux anniversaire, Jojo. Et puis voilà, il aurait été absolument ravi. Alors dans tout ça, mesdames, Rififi, elle avait fait ça fait un OSS 117. Oui. Un joueur SS 117 qui arrive auprès de Jacques Régis et qui demande si la blanquette est bonne. Il y a vraiment de quoi faire un film. Là, il y a de quoi faire un truc incroyable. Ou alors, est-ce que du coup, s'il fait la FFSA, est-ce qu'il va voir Jacques Régis à l'île Maurice directement? Ou pas? Hein, parce que je rappelle que je suis à deux doigts de me présenter à la FFSA si le logement de fonction est bien à l'île Maurice. Hein, Après, ça peut être potentiellement à Lille, chez Maurice. Ce qui, là, est moins bien. Soyons très honnêtes. Du coup, parce que je fais un vote entre quoi, moi, dans tout ça? Parce qu'il y a Verstappen, du coup. On a vu le circuit de Goiânia. J'aurais adoré que Bagnaia gagne à Goiânia, mais bon. Ouais, ça aurait été incroyable. Compliqué, hein, visiblement. Verstappen, Goiânia et le Madring, écoutez, ça nous en fait 3, hein. Donc je vais aller mettre ça tout de suite sur Twitch, si je retrouve mon onglet Twitch, ce qui peut arriver dans... Non, parce que des onglets avec les noms de Mickey Mouse en 45 langues, ça y a ce qu'il faut, mais l'onglet pour mettre un sondage sur Twitch, ça visiblement, voilà, hein, c'est compliqué. Donc votre poche à douille, donc on a dit Max Verstappen, Goiânia et Le Madring, vous avez 3 minutes pour voter sur Twitch, on va faire pareil sur YouTube. Et le A, tu vas nous dire qu'est-ce que ce que c'est que sont tes merdes là. Oh, du logique, hein, avec ce qui s'est passé ce week-end, j'en ai deux. Le premier, bah, c'est pour le Grand Prix du Brésil, hein, pour la qualité du tarmac totalement désastreuse et très compliquée. Il y a quand même des morceaux qui sont partis, il y a eu beaucoup de pluie, tout a raviné, enfin, franchement, c'est... Là, pour le coup, ils n'ont vraiment pas du tout géré le... Ils ont vraiment... Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme composé. Ils n'ont vraiment pas géré le truc. Et puis, bah, le deuxième, bah, pour Mercedes-AMG, hein, avec l'erreur de pneu. Hein. Quelle erreur. Quelle erreur de pneu. Surtout qu'en plus, au début... Alors, je voulais en mettre un aussi. Manche pour certains... très, très petit manche. À voix basse. Pour certains médias. Hein. Pour avoir mis des titres putaclic en marquant exclu en majuscule. Exclu quoi ? Verstappen exclu. Sur le coup, j'ai pas compris. Quand tu lis, tu fais. Ah ok, d'accord. Disqualifié. Son équipe est disqualifiée. Il est pas exclu. Cool, il faut vendre du papier. Seul. Ah bah, t'avais certains articles où t'as l'impression que Verstappen il a fait une course de 4 heures tout seul. Hein, par contre, ça, oui, il était tout seul, hein, littéralement. C'est très fort. Hein. Gazou. Alors, j'en ai trois. C'est correct. J'en ai trois. Oui, alors, on a découvert dans la semaine une petite vidéo du Madring, et plus particulièrement le virage en banking. Le monumental. La monumentale. La monumentale, pardon. Oui, oui. La monumentale. On a effectivement un nom de baptême, en plus, pour ce virage. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont rapidement compris, je pense, le règlement 2026, puisque la petite simulation en 3D montre quelques Formule 1 qui font une course hein, là, sur cette virage en banking à une vitesse hallucinante. La monumentale, ouais, à une vitesse à peu près ahurissante de 60 km/h. Hein, vous irez voir les vidéos, c'est juste parfait. Littéralement, je ne sais pas. Ils ont ralenti les vidéos, ils avaient peut-être peur qu'on ne se rende pas compte que c'était un banking, je ne sais pas. Donc c'est juste formidable. Deuxième Merdolino, bon ben voilà, on ne va pas se répéter, mais effectivement, le tracé du Brésil, littéralement, qui est parti en lambeau. Rikini oui, ben oui, merci. Et troisième Merdolino, celui-là, il le mérite. La Combar Mercedes ce week-end au Japon. Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu la combi. Tout simplement hideuse. Tapez, ben, c'est sur le Twitter de Mercedes. Hein, donc, alors après la semi-livrée Wolf, ils ont montré les combinaisons et les chaussures aussi. Les chaussures sont exceptionnelles. Ah oui, c'est pas très joli. Oui, c'est oula. Et alors, les chaussures sont exceptionnelles. Oh. Ah oui, c'est moche. Oh, ah, c'est littéralement moi quand j'ai repeint mon placo. Non, par contre, ce qui est drôle, c'est que tout le monde aura une livrée spéciale. Même Toto Wolff, il a posé avec les nouveaux vêtements, machin et tout. Enfin, c'est exceptionnel. C'est plein de. Ah oui. Voilà, voilà. Ah oui, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Après, moi, j'ai découvert, parce qu'on a découvert que Charles Leclerc est sur la couverture de la première version française de Esquire, le magazine américain. Personnellement, j'estime qu'il est habillé comme un sac. Tout le monde trouve qu'il est trop stylé. Donc, je pense simplement que, Gazou, nous ne sommes pas à la mode. Oui, c'est fort probable. En fait, la combi Mercedes est magnifique. En tout cas, les commentaires sont magnifiques. Hein. Tu vois des montages. C'est génial. Moi, j'aime bien quand même le concept d'avoir une livrée loup pour l'équipe de Toto Wolff. Oui, oui, ouais. Ça c'est validé. J'apprécie beaucoup. C'était tout pour... Ah oui, c'était ton troisième merde. C'était tout. Moi, je sais plus ce que j'ai mis. Attendez, tac. J'avais mis le Brésil volant. Oui, écoutez, Michel, c'est le Brésil, tout ça est dans sa samba. Enfin, en attendant, le circuit, un petit peu compliqué de le faire en bonne et due forme. Et... comme l'avait, je crois, signalé Simon Patterson sur le week-end. Rappelons que les personnes hein, en charge de la sécurité du MotoGP qui ont dit « Oh, vous inquiétez pas, le circuit est conforme, il n'y a pas de souci », sont les mêmes qui seront chargés de mettre en conformité le circuit d'Adélaïde en ville l'an prochain. Voilà. Mais ça va très bien se passer. Ah. Ça sera Ça sera fabuleux, hein, ne vous en faites pas. Oui, ils ont complètement fait du placo avant de prendre les photos chez Mercedes. Hein, c'est des combis toutes noires, mais à un moment donné, bah, les travaux, ça salit. Voilà. Pas facile à dire, ça salit. Hein. Ça, j'ai pris des risques. Sur Twitch, vous avez voté pour Goiânia, bravo. Bravo au Brésil, qui remporte un merdolin bien mérité. Et sur YouTube, Max Verstappen, avec 100% des voix. Ah ouais. Rendez-vous donc... compte. Ils sont deux à avoir voté. C'est pas une vanne. Mais, voilà, à un moment donné... Ça compte. C'est 100% qui compte. Hein. C'est ça. Le nombre de votants. C'est beaucoup mieux que la réélection de Kim Jong-un, réélu ouais. avec seulement 99,3%. Ouais. Mais depuis, d'ailleurs, les 0,7% ne sont plus dans la démographie nord-coréenne, d'ailleurs. Hein, ne sont plus. Ne sont plus. D'ailleurs, tout court. Ne sont plus. Les 0,7% étaient. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà pour ce nouveau Racing Café. Écoutez, oh ouais, deux bonnes heures et demie, c'est pas mal, on s'en sort bien, voilà. On a encore fait un sacré tour d'horizon de ce qui s'est passé. On vous rappelle donc ce week-end, évidemment, le Grand Prix du Japon et dont on vous parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup, le A, merci le G. Et merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Et puis, bah, écoutez, à jeudi prochain, hein, profitez bien de ce week-end, bien sûr. Ciao, ciao.